Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Gaston Boutzoul disait « La civilisation est une lutte contre la peur. » Comme la première fois, comme cette terrible première fois, vous devez maintenant décider entre combattre ou fuir charbon. Une foi qui, comme la première fois, vous coûtera. Peu importe la voie que vous allez et que vous avez déjà pris. Charbon, lui, gronde. Charbon, lui, salive. Pour en revenir au présent, cela ne fait que très peu de temps depuis que ceux qui avaient quitté le Cadio Market pour exiler, selon le vote majoritaire, les trois militaires du groupe, sont de retour. De retour dans un empressement fracassant, catastrophique, salissant. Difficile de dire, pour ceux qui n'étaient pas là, ce qui a bien pu se passer. Rien de bon, sûrement. Mais il y a des blessés. Certains, bien plus graves que d'autres. Comme Alexios, qui vient d'être étalé au sol et rapidement pris en charge par Misha et Driver pour s'occuper d'une blessure par balle. Les questions fusent. Les inquiétudes se font de plus en plus bruyantes. Un bourdonnement occupe vos oreilles et vos esprits. Que s'est-il passé et que va-t-il se passer maintenant que la petite communauté du Cadio n'a plus de tête ? Maintenant que quelque chose s'approche, bien qu'aucun ne le sache encore. Voilà. Bon, alors, Alexios, est-ce que Alexios est bien pris en charge par les autres ? Allô ? Y a quelqu'un ici ? On s'occupe de lui avec une... Putain. Aidez-moi, s'il vous plaît. Putain, ça devait pas se passer comme ça, bordel. Putain. Bon. Moi, je vais essayer de voir... est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait de... Putain, de... Ouais, de Birkin. Alors, en effet, Birkin, tout simplement, est ramené par Dwayne ainsi que un des Place, Archibald, qui est sorti pour aller les assister, pour le ramener, et en sachant aussi que Dwayne aussi n'est pas non plus au meilleur de sa forme. Même s'il n'est pas au niveau d'Alexios. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, je vais voir Francis. Je vais m'occuper de lui. Ok, très bien. Bah du coup, tu... À la demande générale d'Alexios, je vais proposer un jet à Driver ainsi qu'à Misha, mais ça c'est de mon côté, pour voir où ça, on s'en trouve au niveau des soins, en sachant que j'avais noté des choses par rapport au dernier jet de la fin de dernière session. Pendant qu'ils font des jets, je vais redonner un peu plus de contexte parce que il y a une certaine personne ici qui n'était pas présente et qui est peut-être encore un peu perdue avec ce qui se passe. C'est que, en effet, pour ce qui est de la vie de Cinda, il y avait eu un vote qui s'était fait à la dernière fois, tout simplement parce que vous aviez découvert, tu t'en souviens, que les trois militaires donc avaient trafiqué des signaux radio pour que les choses aillent dans leur sens a priori, pour une raison ou une autre. Donc il avait été voté qu'il fallait les exiler, et le groupe ici présent, moins toi, s'était proposé donc pour aller eux-mêmes les exiler en véhicule. Et de ton côté, il s'est pas passé grand-chose entre-temps, si ce n'est que du coup, à leur retour, pas forcément énormément de temps après, hein, mais peut-être une heure ou quelque chose comme ça après, ils sont arrivés assez pressés, hein, tout simplement, parce qu'ils se sont vraiment garés très rapidement ici, à toute vitesse, avec un Alexios qui a priori a l'air pas mal blessé, parce qu'en effet, il a une blessure par balle, il a aussi des griffures un peu partout sur le corps qui ont d'origine inconnue a priori. Et il y a aussi donc Dwayne, qui n'est pas non plus aussi dans le meilleur des états, mais en tout cas, il n'est pas gravement blessé. Nous avons Driver qui a sûrement le nez cassé qui perd du sang au niveau du nez en tout cas. Et nous avons aussi donc le seul militaire à être revenu avec le reste du groupe aussi, qui est Francis Birkin, qui lui donc qui vient d'être rentré dans le bâtiment aussi juste après tout le monde. Qui est en vie a priori, mais qui est ligoté. Et qui est aussi gravement blessé, il a été a priori tabassé avec pendant une longue période de temps. En tout cas, il est bien mal. Voilà. Et tout ce joli petit monde des blessés vient d'être étalé au sol. Avec, on peut s'occuper comme on peut. Ok, merci beaucoup. Alors, de ton côté, Driver, j'ai une question. Ouais. Il m'a dit de faire un test, mais j'ai oublié un test de quoi. Bah c'est simplement parce que je ne l'ai pas dit. C'est pour ça. Mais j'accuse jamais le MJ. C'est un jet de connaissance. Ok, et j'ai fait 85, et donc je suis moyen. Ok, d'ailleurs attends, où est-ce que j'ai mis ta fiche? Je crois que j'ai les fiches de tout le monde, sauf la tienne, c'est rigolo ça. Ah, qu'est-ce que tu fous? Ok, c'est bon. Très bien. Alors du coup, vous vous mettez donc tous les deux de nouveau au travail. Hein. Vous étiez déjà mis dès que vous veniez d'arriver. C'est Misha qui fait le plus grosse partie du boulot et on comprend la situation vu que toi-même tu dois encore voir quelques étoiles hein, vu ta situation. Donc tu restes un peu en retrait. Mais a priori, du côté d'Alexios, on a extrait ce qu'il y a à extraire et on est en train de refermer ta plaie. Enfin, on est en train de nettoyer ta plaie et on va la nettoyer, enfin la fermer quand on pourra. En tout cas, tu n'es pas à l'agonie au niveau de hurler à toute vitesse maintenant. L'adrénaline est terminée et t'es plus dans des espèces de demi-conscience, en train de lutter pour ne pas mourir. Je touche le visage de Driver, tu sais, comme le mec qui est l'adrénaline, tu sais, qui redescend, donc je fais un peu n'importe quoi, je fais des têtes aux yeux, tu sais. En fait, il est shooté, il est drogué, là, il est sous drogue. Là. Mais il est complètement ravagé. Mais c'est un ange. Serais-je mort? Est-ce le paradis? Je regarde les deux nanas, je fais, mais... Je suis où? Je suis pas bien. Bon. Pendant qu'Alexios est en train de penser qu'il a vu, qu'il est en train de voir la lumière, qu'est-ce passe-t-il autour? Alors moi, j'essaye, puisque je suis un peu la personne qui est extérieure au contexte, ouais. Je pense que comme tous les gens en fait qui sont restés, j'essaye juste de... Bah, d'aider comme je peux, de comprendre, mais sans harceler de questions, parce que bah... Il y a des choses graves à gérer, mais en fait, je fais vraiment un point sur la situation que je viens de me faire, donc merci, de qui est blessé, etc. Et du coup, je vais aider là où c'est le plus crucial. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Ok, très bien. Donc, plein d'attention, et une attention d'ailleurs qui n'est pas partagée par tout le monde, vu que il y a pas mal de monde autour qui ne bouge pas, mis à part pour poser des questions et pour aller d'une discussion à l'autre qui en boucle pour savoir ce qui se passe, ce qui participe à un certain chaos sonore. Dwayne, tu voulais participer? On ne t'entend pas. Non, mais moi je voudrais juste essayer de me soigner quelque peu. Mm-hmm. Et de stopper cette légère hémorragie nasale qui m'encombre. Alors, je sais pas s'il y a pas moyen que je chope une compresse ou quoi. Ouais, tout à fait. Et un petit peu de désinfectant. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si je te fais vraiment un jet pour ça, parce que bon, tu peux pas, c'est pas grand chose, mais. Tu te mets du coton dans le pif. Ouais, je vais quand même te demander un petit jet, on va dire, on va dire connaissance, mais vu la situation, est-ce que tu me demandes? Ça va pas demander des grands scores. Hein. Non, mais on sait jamais, je pourrais boire le désinfectant au lieu de le mettre sur la compresse. Ce serait. Exactement. Je suis un américain à une base, moi je ne suis pas. Il se fait un petit cocktail de tous les médocs que vous avez. Donc, en plus de se condamner à une mort hallucinatoire, il vous vire tout espoir de survie sur le long terme. Pendant qu'il fait son test, moi, comme je dis, hein, je me dirige vers Francis. Hein, je vais vraiment essayer de faire en sorte que rien ne lui arrive. Parce que je me doute bien que bon, c'est la seule personne qui pourrait être prise pour cible avec la façon dont on revient. Du coup, je vais rapidement venir à le voir pour au moins essayer de le mettre en sécurité. Okay. Et qu'on lui fasse rien du tout, en fait. Ok, donc tu te mets aux côtés de Francis, qui lui est toujours dans l'inconscience, hein, de toute manière. Il est toujours inconscient et ligoté, avec son visage profondément tuméfié et saignant. Mm-hmm. A priori, personne ne s'est jeté dessus sur lui, il n'y a même pas d'insulte ou quoi qui fuse. Vraiment, on est encore à un niveau de confusion où on est vraiment, les gens sont vraiment concentrés sur comprendre dans quelle situation ils sont plutôt que encore même de trouver des coupables. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est au loin, je vois passer Cinda. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne me voir et qu'on s'occupe tous les deux de Francis. Et en même temps, j'en profiterai pour lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé, entre autres. Là. Ok, très bien. Donc, je suppose que tu es à côté de moi, Cinda. T'es arrivé? Salut! Tout à fait. Ok. Bon, j'imagine que tu te poses plein de questions. Oui. Bon, ça s'est très mal passé. En fait, je pense qu'on a laissé la situation nous échapper complètement. C'était du grand n'importe quoi. Richard a clairement fait en sorte de nous mettre à mal. Au début, on pensait que ça allait être que verbal, qu'on allait juste s'en tirer avec des mots un peu forts, mais ils ont réussi à faire en sorte que notre ascension soit prise autre part pour sortir des armes et il voulait simplement se débarrasser de nous et revenir ici pour reprendre le contrôle de la communauté. Oh merde. Et seulement, on s'est battu, on s'est rebellé, mais comme tu as pu le voir, certains d'entre nous ont été blessés dans l'histoire. Bon, eux, je pense que tu comprends bien qu'ils sont morts. Il n'y a que Francis qui a échappé. En parlant de Francis, justement, je pense que c'est une bonne personne. C'est moi qui me suis occupé de son état, comme tu peux le voir maintenant. Mais clairement, des trois, c'est celui qui est... c'est celui qui était influencé. Mais je pense que il a un bon fond et que ça sert à rien de s'acharner sur lui. En ce qui concerne Jared, je pense qu'il a été pris dans le devoir. Enfin, je pense que c'était quelqu'un de bien aussi, mais qu'il était un peu trop fidèle à Richard. Par contre, Richard, c'était un vrai connard et clairement, de toute façon, il n'en avait rien à foutre de nous. Voilà. Comme tu as pu le voir, Alexios, il a morflé. Il a même failli y rester bouffé par des rôdeurs. On l'a tiré de justesse. J'espère que... D'ailleurs, il faudra regarder s'il ne s'est pas fait mordre. J'ai pas pris le temps. Il faudra que je demande à Ashley de regarder assez rapidement. Mais voilà. Dwayne, lui, bon, il est un petit peu morflé aussi. Mais ouais, c'est un costaud. C'est un gars de la dure. Il s'en remettra. Bon, maintenant, on sait que va falloir qu'on se démerde. C'est un peu plus clair, mais bon, c'est à la fois dommage vis-à-vis de vous, mais d'un côté, tant mieux, on est débarrassé d'un poids. Enfin, je veux pas être médisant, mais le... Comment il s'appelle ? Désolé, comme il n'y a plus les noms, le seul mec qu'on n'aimait pas. Richard. Voilà. Ouais. Richard, je l'aimais pas. Bon, je suis très déçu de... Jared. Ça, c'est plus en off, parce que personnellement, je fais pas le temps de faire un petit point, mais je suis très déçu de Jared. Je pensais que ça serait lui le plus gentil. Ouais. Mais... je pense que à un moment donné, on aurait pu peut-être les tourner dans notre sens, parce qu'on a bien vu qu'ils ont hésité, ils ont cogité, que ce soit Jared comme Francis. Mais je pense que le fait que toutes ces années passées avec Richard et le côté militaire a un petit peu pris le dessus et on n'a pas su retourner la situation en notre faveur. Mais voilà, de toute façon, on se doutait bien qu'à un moment donné, ces choses-là pouvaient arriver. Maintenant, moi, il y a une seule chose qui m'inquiète, c'est les frères Place. Maintenant que tout ça arrive... il faut vraiment faire attention à ce qu'ils n'essayent pas de prendre le contrôle de la communauté avec cette histoire. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais un petit peu t'en parler et te parler un peu. Non, mais je suis d'accord. Là, la prochaine étape, c'est de stabiliser le groupe. Parce que votre entrée, on peut dire, n'a pas... C'est sûr. N'aide pas à donner l'impression qu'on contrôle tout ce qui se passe, donc bon, ok, on va faire ce qu'on peut pour aider et déjà à vous rétablir, et il faut qu'on calme le groupe le plus rapidement, parce que vu le brouhaha ambiant, c'est... Ouais, c'est sûr qu'une discussion est obligatoire, effectivement. Francis, il est toujours KO ou il est un petit peu... Ah, il est toujours un petit peu. Ok, d'accord. Bon, après, j'essaye de lui foutre de la flotte dans la gueule et si ça le réveille ou pas, c'est genre une bonne eau froide. Ouais, tu veux, si tu veux. Bah, écoute, on sait jamais, hein. Ok, très bien. Alors, je vais juste. Avant qu'on en arrive à ça, vu que tu as quand même discuté avant de faire tout ça, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire des choses ou dire des choses, allez-y. Que le monde continue à tourner. Personnellement, je fais rien de concret à part juste parfois envoyer quelques petits regards de détresse et de panique intérieure à Cinda. Très bien. Moi, je regarde Ashley et je lui montre que je paierai ma dette. Mais c'est redescendu, du coup. Je regarde juste le plafond et de temps en temps, je regarde Ashley. Et je regarde celle qui m'a aidé aussi, celle qui l'a aidé. Attends, je vais te le dire. Comment elle s'appelle ? Misha ? Non. Ouais. Ok, donc il est encore un peu dans les vapes et il a des DS maintenant. Pour ce qui est de... Pour ce qui est donc de Dwayne, en effet, du coup, tu... Tu Tu t'occupes de tes propres blessures, hein, et tu t'en sors assez bien. De toute manière, il n'y a pas rien de très sorcier là-dedans. Donc, tu te débrouilles, donc tu peux te... aucun problème. Pendant ce temps, alors que de ton côté, Ed, tu te préparais donc à aller chercher de l'eau que vous avez plusieurs réserves d'eau en bouteille ou en seau ou quoi que ce soit que vous avez. Aller en chercher un peu pour en jeter sur Francis et le réveiller. C'est le moment où vous arrêtez un peu tous dans votre mouvement, au moins le temps d'une petite fraction de seconde, parce que vous entendez un véhicule. Vous entendez un véhicule qui vient d'arriver devant le Cadio Market, à vitesse assez rapide, mais qui vient de s'arrêter et qui, a priori, plus aucun bruit ne suit. Ok, je vais... Je vais... on l'avait mis où, Francis? On l'avait sorti du véhicule ou pas? Je me rappelle plus. Oui, là, tout le monde a été mis à l'intérieur. Ok, je me dirige vers le véhicule de Dwayne pour justement récupérer ma batte. Ok, donc tu veux sortir prendre en main. Bah oui, je sors du... Ouais, okay. Je sors devant et... Et je me dirige vers le pick-up. Moi, je voudrais choper... je sais plus si je l'avais sur moi, mais j'aimerais choper mon Glock et aller voir ce qui se passe. Ok. Donc tu accompagnes Ed à l'extérieur, en tout cas, pour commencer. Oui. Ok. D'autres personnes veulent suivre ? Je vais rester au niveau des blessés, personnellement. Ok. Cinda. Elle réfléchit. Moi, je donne mon arme à Ashley. Toi, t'es déjà à l'agonie, j'ai là. Finis-moi. Finis-moi. Ed et Dwayne, vous vous dirigez donc à l'extérieur du Cadio Market, vous ouvrez les portes. Et vous commencez à vous diriger vers donc le véhicule de Dwayne où se trouve donc ton arme, ta batte de baseball. Et vous remarquez que le véhicule qui est rentré donc dans cette espèce de mini parking, hein, pour vous rappeler, le Cadio Market, il n'est pas juste au bord de la route. Il avait une espèce de petite ruelle à lui avec son espèce de micro parking. Mmh. Et bien dans ce parking là, du coup, il y a un nouveau véhicule que vous n'aviez pas vu avant, vu que c'est celui-là qui vient d'arriver. Et c'est une espèce de toute petite voiture, vraiment une voiture à que seulement deux places, vous savez. Un truc tout petit, qu'une espèce de petite Twingo, ou je sais pas si ça existait à l'époque, les Twingo, mais... Enfin, un petit truc comme ça. Ça. Ouais, existe. Okay. Un petit véhicule comme ça, et on est déjà sorti, a priori, une personne qui était sur le siège passager, qui est a priori un homme avec un certain âge qui doit avoir la... qui doit avoir 60, 70 ans peut-être, avec une espèce de grosse barbe un peu irrustre. Et il reste immobile, il n'a pas d'arme à la main, en tout cas a priori. Ouais. Et vous remarquez aussi qu'il y a quelqu'un qui est encore dans le véhicule à la place conducteur, mais qui ne semble pas vouloir en sortir. D'accord. Du coup, quelqu'un de retour ? Ouais. Fais un résumé ou... Cinda, résumé de Cinda. Ed et Dwayne sont sortis. Ouais, allez-y, faites votre par écrit pendant que ceux qui veulent réagir réagissent. Alors, dans ce cas-là, moi je vais lancer un amical. Salut l'ami. En ne dégainant pas mon arme, je vais la ranger dans ma poche. Pacifisme. Bah moi en fait je suis à côté du pick-up. Bon, je dois avoir vu sur ma batte. Pour l'instant elle est je l'ai pas prise en main. Elle est juste là à côté de moi. Si je tends la main, je la chope. Et du coup je lui dis bonjour. Vous êtes perdu, enfin vous cherchez de l'aide, vous avez besoin de quelque chose? tout ce qui répond à tout ça, c'est déjà un signe de tête au moment où Dwayne, tout simplement, le salue, et toi aussi. Et il vous laisse parler, mais vous voyez qu'il vous observe plus qu'autre chose. Il n'a pas l'air de vouloir répondre immédiatement. Et assez rapidement tout de même, il hausse la voix et il vous dit « Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous ne savez pas ce que vous avez fait. » Déjà, on se connaît. Et vous parlez de quoi ? On n'a pas le temps pour les présentations. Vous devez partir. Comment ça ? Expliquez-nous. C'est des menaces ? Vous devez partir immédiatement. Vous et quiconque se trouve dans votre bâtiment, vous devez partir. Vous avez déclenché quelque chose dont vous n'imaginez pas l'ampleur. Quoi ? Écoutez, j'ai pas le temps de tout vous expliquer. On était en train d'en déplacer. On s'était occupé d'en supprimer une partie, mais avec tous les coups de feu que vous avez fait, vous les avez sortis du chemin qu'on leur avait prévu, et à présent, ils se dirigent vers vous. Ah, vous dites que une horde est en train de venir sur nous ? Oui, et de tous les côtés. Merde. Est-ce que vous pourriez au moins nous donner une direction ? Parce que vous avez l'air de... C'est juste une question avant... C'est vous l'hôpital ? C'est vous qui avez sauté ? Okay. Oui, c'est nous. Est-ce que vous pourriez au moins nous indiquer une direction à suivre pour partir en sécurité ? Nous avons beaucoup de personnes, des personnes âgées, une enfant, des femmes... On ne peut pas partir aveuglément en courant dans tous les sens. Le mieux sera de partir vers la zone justement de l'hôpital. C'est la meilleure direction. Elle sera pas parfaitement sûre, mais ce sera la meilleure direction. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait pas rejoindre votre campement ? Il n'y a pas de la place pour nous ? Écoutez, je suis désolé, on se connaît pas. Si on se recroise, je serais ravi d'en discuter avec vous, mais la situation ne s'y prête pas. Est-ce que vous voudriez bien être sympa et venir vite fait à l'intérieur avec nous pour répéter ce que vous nous dites, qu'il y a une heure, parce que je sais pas, mais le souci c'est qu'on a beaucoup de divisions et je sens que si jamais on débarque tous les deux, on va avoir des imbéciles qui vont se croire malins, nous dire qu'on raconte des bobas. Donc vous venez deux secondes avec moi en urgence, et puis on leur dit ce que vous venez de nous dire, et puis je suis sûr que ça les convaincra. Vous voyez qu'il se tourne rapidement vers le conducteur, il baisse un peu la tête pour voir son visage. Il a l'air d'attendre un signe de sa part, et après il se tourne vers vous et il dit « Rapidement alors !» Et il fait quelques pas dans votre direction. Ok, suivez-nous. Donc on commence à courir, et je rentre dans le market et je commence à gueuler. « Oh, écoutez-moi, venez ici, c'est important! Venez tous !» Ok. Ah ça, tu vois que bien entendu, tout le monde se tourne dans votre direction. Il y en a qui se tournent dans l'autre sens. Non, mais tout le monde se tourne vers vous. Et j'imagine que tu laisses la parole au... Ouais, je laisse... Au bonhomme. Ok. Simplement, donc du coup, il hausse la voix directement. Il part directement parce qu'il n'a pas le temps de se présenter aussi calmement qu'à vous. Et il dit... Écoutez, une horde se dirige dans votre direction. Vous avez qu'une seule solution, vu sa taille, vu son ampleur, c'est de partir. Si elle arrive ici, que vous êtes encore là, vos vitrines, toutes les fortifications que vous avez faites ne serviront à rien. Vous allez être rasé de la carte. Votre meilleure solution, c'est de partir dans la direction de l'hôpital. C'est la zone la plus sûre. Pas parfaitement, mais c'est là que vous devez aller. Un petit silence quand même s'installe, parce que c'est quand même très soudain cette situation. Et il y a des gens qui ont l'air de se regarder, certaines personnes qui disent des choses, mais vraiment dans une espèce de chaos. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que certains d'entre vous veulent peut-être appuyer ces paroles ou... Faut qu'on fasse une réunion. Ouais, ce que j'allais dire, parmi les petits murmures et tout qui en font, je pense que je vais en propager un sur le fait que est-ce que ce serait pas juste une stratégie pour récupérer notre camp. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'il y a vraiment une horde qui vient. Alors, je vais te demander un jet de ouais, on va dire pouvoir. Pour voir au moins si tu y es là. De pouvoir. Ok, j'ai fait 24 et je suis... Bon. Ok. En effet, tu vois qu'à ces paroles, il y a un certain d'entre vous, certains autour qui s'arrêtent un peu dans leur mouvement, dans ce qu'ils disaient, et qui ont l'air de porter attention à ton discours. En particulier, par exemple, les frères Place, qui sont toujours à l'affût de ce qui se dit, ainsi que Eric O'Malley, avec lequel vous n'avez pas énormément discuté, et ainsi que Peter Horvath, le boucher, que vous n'aimez pas trop, a priori. Mais en effet, eux, ils y portent un peu attention, ils ont l'air de répéter un peu ça autour. Donc, pour ceux qui ont incité le bonhomme à rentrer et à discuter, vous entendez qu'il y a une espèce de petite vague de contestation qui commence à se lancer. Moi, du coup, je commence à parler en disant « Écoutez, avec ce qui vient de se passer, vous avez vu qu'on était rentrés avec des blessés, il y a eu des coups de feu. Richard et Jared sont morts, seulement... ça a attiré beaucoup de rôdeurs. Alors, on n'a pas pris le temps de rester. Ils étaient trop nombreux pour nous. On a juste fui. Si on était resté là, on serait mort. Donc, quand il nous dit qu'une horde est probablement en train de venir, c'est tout à fait possible. Honnêtement, on n'a pas pris le temps de savoir si c'était nombreux ou pas quand on s'est barré. Tout ce qu'on sait, c'est que Si on restait là-bas, on était mort. Maintenant, j'ai bien envie de le croire. De toute façon, on avait déjà prévu de se barrer. Peut-être que là, c'est l'opportunité pour mettre les voiles et trouver autre chose. Mais j'ai pas envie de prendre le risque de rester ici et de se rendre compte qu'il avait dit la vérité. Moi, je rajouterais même que je préfère qu'on se prépare à partir maintenant et qu'on puisse partir préparé que de jouer 50-50 et d'avoir une horde et devoir partir dans une vitesse sans pouvoir prendre les médicaments, sans pouvoir prendre nos affaires, ce genre de choses. J'arrête doublement de répandre mes rumeurs. Très bien. Je vais demander aux gens qui sont donc intervenus dans ce sens-là de me faire donc des jets de pouvoir eux aussi. Ouais, allez-y. Moi, c'est très mauvais puisque je fais 93. Moi, je suis commenté, je peux pas faire. Je reprends moyen. Tandis que de son côté, une de vos oppositions les plus farouches que vous avez eues par le passé, qui est donc Jade Munoz, élève un peu la voix en effet pendant que vous-même vous parlez. Il y a vraiment deux discours et deux publics qui sont en train de se créer. Mais Jade, tout simplement, dit. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas seulement un piège pour tous nous faire sortir et nous choper ? Ce à quoi certaines personnes inquiètes ont l'air de faire écho. Je vais quand même regarder vos résultats. Ok. C'est 93 moyens. 93 moyens. Okay. Il faut qu'on prenne le vieux en otage. Ok. Est-ce que tu dis vraiment ça, Driver, ou pas ? Ouais, je le dis vraiment, oui. Ok. Alors, sachant que je le dis plus, je m'attends qu'il y ait une espèce de petit moment de blanc entre deux gros brouhahs pour le dire dans l'espoir que les gens viennent, comprennent pas vraiment que ça vienne de moi, parce qu'à la base, je pars du principe que les gens, comment dire, m'accordent pas énormément de valeur. Mais j'aimerais bien quand même que le truc se propage parce qu'en effet, même si j'ai peur de la horde, j'ai quand même peur du piège. On va pas se mentir, il y a des chances que ça en soit. Enfin, pour Ashley. Ok. Très bien. Et bien, du coup, donc il y a du brouhaha, il y a cette parole qui s'élève, ce à quoi certaines personnes font écho. Et en effet, et il semblerait que vos interventions, Sindahed, ne sont pas non plus au plus efficace qui soit. Cinda, toi, ton petit rajout, on fait quand même, a priori, faire des petits signes de certains qui disent, ouais, on... c'est vrai que c'est une position qui peut se défendre. Le problème, c'est que ça n'a pas l'air d'enthousiasmer autant les gens que la possibilité que ce soit un piège. Et d'ailleurs, quand on commence à entendre des appels au kidnapping et à la prise en otage, du coup, votre mystérieux compagnon fait un petit pas en arrière, se tourne vers toi, Ed, et vers Cinda, ainsi que Dwayne, donc a priori, c'est ceux qui ont été les plus vocaux pour le soutenir, et dit simplement « J'ai pas le temps de rester plus longtemps, partez vite. Vous avez pas le temps de faire vos bagages. » Et il se retourne et part pour la sortie. Ouais, allez-y. De toute façon, si jamais quelqu'un vient et a essayé de la rater, je me mets je me mets entre. Et... Moi aussi. Mmh. Voilà. Après, moi, une fois qu'il s'en va, je lui dis, écoutez, c'est simple. Je vais pas aller par quatre chemins. Personnellement, j'ai pas envie de traîner ici. Je le connais pas, mais... Ayant assisté à ce qui s'est passé là-bas, alors... Driver, enfin, disons que t'as pas vraiment vu ce qui s'est passé puisque t'as été assommé quasiment une bonne partie du temps à cause de ton coup, le coup que t'as pris. Mais crois-moi que il y en avait les zombies, enfin il y en avait du rôdeur, pardon. J'ai pas envie de risquer la vie de la petite pour ça. Et personnellement, moi, je me casse. J'essaie de ramener le plus de choses possible. S'il faut me barrer à pied, je partirai à pied, c'est pas grave. Et comment est-ce qu'on fait pour lui? Et à ce moment-là, je pointe Alexios qui est encore en train de comater, là. Eh bien, on a toujours une voiture, non? Eh bien, il montera dans mon pick-up. Mais faites ce que vous voulez. Ceux qui veulent rester, ils restent. Puis, advienne que pourra. Mais moi, je ne jouerai pas la vie de la petite sur un 50-50. Moi, je viens. Bon, mais... Ouais, je prends... Mais pas moi, je vais tenir. Tant pis. On n'a qu'à diviser le groupe. Et je propose un vote. Ceux qui veulent partir, ils viennent avec nous. Ceux qui veulent rester... Je vote pour rester. Moi, je veux venir. Confiance aux humains. Ouais. Confiance aux humains. Je vote. Ok, bah que ceux qui veulent partir lèvent la. Que ceux qui veulent rester. Non. Je trouve ça assez égoïste de séparer le groupe. Je pense que on a déjà assez subi de séparation comme ça. À un moment, soit on a un groupe, soit on l'est pas. Si on commence à se séparer à la moindre excuse, on va tous finir. Juste à deux, séparés, dans à chaque fois qu'il faut prendre une décision. Je suis contre le fait qu'on se sépare en deux groupes. Je suis pour qu'on prenne une décision tous ensemble, d'accord. Et ben moi, j'en ai rien à foutre. Je préfère être en demi-groupe ou un quart de groupe en vie, peut-être d'un groupe mort, encerclé par des zombies. Personnellement, hein alors, moi, à priorité... Et ben alors, convainc tes concitoyens au mieux de les laisser à la mort, c'est fin. Totalement égoïste et absolument horrible. Comment veux-tu qu'on te fasse confiance à l'avenir si on sait qu'à la première occasion que t'as sauvé de ta peau, tu vas partir en premier? Écoute, Cinda, je suis d'accord. Moi, j'aimerais que tout le groupe reste uni et qu'on fasse les choses ensemble. Seulement, tu l'as bien entendu, on va pas avoir le temps de faire nos pactages tranquillement. Et il faut se barrer maintenant et essayer d'emmener le plus de choses possible. On n'a pas le temps de partir dans des discussions trop longues. Il faut prendre faire une décision et elle doit être prise maintenant. Donc, c'est simple. Maintenant, les gens doivent prendre leurs responsabilités. Personnellement, on avait déjà prévu tous ici, à part... quelques-uns, mais qui étaient irréductibles, de partir. De toute façon, c'est que le problème n'est pas le départ, c'est que le problème, il est ailleurs, et le problème, c'est qu'ils ont peur d'une embuscade. Dans ce cas, trouve une solution pour partir sans embuscade. Bah, en tout cas, je vais vous laisser quand même continuer votre discussion, mais le vote a tout de même été lancé à haute voix par Dwayne, donc il y a quand même des gens qui ont levé des mains, ou que ce soit. Même si vous comme pouvez changer le truc au fur et à mesure, je vais juste demander... Mm-hmm. Au moins parmi les gens qui sont là, parce que je vais me faire du coup un décompte des gens, qui est pour partir? Bah, donc une personne. Moi, j'ai pas levé la main puisque je suis intervenu. Trois personnes. Mais c'est-à-dire que au fond intérieur, oui. Mais moi, je suis intervenu pour qu'on ne vote pas, donc j'ai officiellement pas voté. Ok. Donc je vais te compter hors jeu. Hop. Voilà. Ici. Donc pour on est ceux 3. Qui veulent rester, donc nous avons Ashley qui veut rester, c'est ça? À la base, Ashley, elle est pour rester, mais quand elle voit que Cinda ne vote pas, elle ne vote pas non plus. Donc ça fait 2 non-votes. Vous remarquez donc, je vais vous faire la liste au fur et à mesure, pour ceux qui lèvent la main et tout ça, que Jade Munoz, bien entendu, est là pour rester. Adam Sparrow, donc le vieux prof d'ethnologie avec lequel qui était assez sympa avec vous au début, lui a priori il vote pour rester aussi, il a pas l'air d'être très très partisan de se faire choper à la sortie. Les Place, eux, votent pour partir. Le O'Malley, il vote pour rester. Misha reste hors jeu, a priori, vous voyez qu'elle a l'air d'énormément hésiter, mais elle se prononce pas. Bob Patrickac, lui, il vote pour partir, et il est immédiatement suivi par son compagnon Cillian Finici. Et le boucher, lui, vote pour rester. Et Kali, elle comprend pas trop de quelle situation il est, donc elle va rester dans son coin. Elle est juste à côté d'Ed, parce qu'elle s'est rapprochée de lui, bien entendu, dès qu'il est rentré, hein, de toute manière. Et elle a l'air d'observer la scène un peu perdue. A priori, elle ne comprend pas spécialement les enjeux et la tension de ce qui est en train de se jouer. Et Francis, il est toujours KO. Maintenant, vous pouvez continuer votre discussion. Écoutez, je me tourne vers les gens qui ont décidé de rester. J'ai bien conscience que vous avez peur d'un guet-apens ou quoi, mais je vais être franc avec vous. J'ai posé la question à cet homme qui est rentré tout à l'heure s'ils étaient responsables des explosions qui se sont produites à l'hôpital. Au vu de l'ampleur et de la, comment dire, de la méthode, l'organisation et les moyens qu'ils ont mis pour arriver à faire ça, je pense qu'ils sont bien plus déjà armés, nombreux et équipés que nous. S'ils avaient voulu nous exterminer, ils n'auraient même pas eu besoin de nous faire un guet-apens. Ils auraient pu juste arriver en armes, se pointer devant et nous buter comme du bétail. Là, ils sont venus à deux, pas armés, et ils sont venus nous prévenir d'un danger. Honnêtement, moi, je suis prêt à leur faire confiance. Parce que je vous dis, si vraiment ils avaient voulu nous tuer, ils auraient pu le faire largement, sachant que c'est pas avec nos petites armes qu'on aurait pu faire face à des explosifs et à des fusils de guerre, quoi. Et je pense que clairement ici on n'a pas des militaires, hein. Les trois, il y en a deux qui sont morts. Hein, je regarde Peter, est-ce que toi tu te vois de partir en guérilla? Et toi, Adam Sparrow, tu te vois affronter un peloton de militaire, non? Tu vois qu'aux appels que tu fais, il y a des regards un peu dérobés, il y a des indécisions. Et tu vois que pour ce qui est du côté de Adam Sparrow, donc le vieux professeur, qui du coup baisse la main pendant que tu parles, qui donc, a priori, passe de rester à indécis. Les autres ne sont pas dans l'idée, en tout cas, de te répondre, mais ils ont pas l'air dans l'idée non plus de te changer radicalement d'avis. Ben, je regarde Dwayne comme si je lui envoyais un message de « Vas-y, à ton tour. Allez, quoi ? Fais ton speech !» Moi, tout ce que je veux dire, c'est que pour les avoir vus dans l'hôpital, les zombies et les rôdeurs, les marcheurs, comme vous voulez, ils nous feront absolument mourir de la façon la plus horrible, la plus lente, la plus douloureuse qui soit. Alors moi, déjà que je suis un éclopé, je refuse d'endurer plus que ça. Alors si jamais vous voulez porter un peu, hein, et pour une fois assumer, ben faut nous rejoindre parce que là, c'est le moment. Très bien. Je vais te demander un petit jet de pouvoir pour voir quels sont les effets de, de ton discours, mon petit Dwayne, qui part donc dans une... qui part dans une approche différente de celle de Ed. Un peu moins sociale et un peu plus... Je sais pas de comment on pourrait qualifier cette... C'est terre à terre, quoi. C'est genre, ouais. Tu vas te faire bouffer un petit feu, bah, j'ai pas envie. Ok, 85, et en pouvoir, on était sur... J'ai pas... Faut que je garde vos fiches sous les yeux. Ok. Alors, tu vois que ce que tu dis a l'air d'en inquiéter certains, en particulier Peter Horvath, mais que... Il y a aussi un problème, c'est qu'en effet, a priori, ils ont pas l'air d'être vraiment dans la disposition pour se faire vraiment... ramener à des choses terre à terre comme tu en parles, et même s'ils en ont peur, ça a l'air de placer aussi un mur devant eux. Ils ont l'air de plus refuser en bloc de ce que tu leur dis que par autodéfense que de vouloir se laisser convaincre. Je regarde Cinda et je lui fais le même regard, parce que j'ai bien compris qu'elle était d'accord avec nous, mais qu'elle voulait essayer de convaincre la majorité de nous rejoindre. Moi, j'en appelle qu'à une chose, c'est de rester soudé. Je vois bien qu'on... Enfin, je comprends qu'il y a des avis divergents. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Il me semble qu'on avait déjà choisi par vote le fait de partir. Qu'est-ce que, finalement, ça change de partir maintenant que de partir demain, comme prévu. Même si on ne devait pas partir demain, mais c'est une façon de parler. J'entends la peur et à vrai dire elle est plutôt cohérente, honnêtement, si c'est ça, autant arrêter de parler de rester ou partir et juste poser la question comment partir en évitant une potentielle embuscade. Passons à être stratège, arrêtons de perdre du temps là pour gagner du temps pour notre survie finalement. Moi j'appelle qu'à ça, restons soudés, partons tous, mais partons bien, j'ai envie de dire. Alexios connaît toutes les sorties possibles par les toits, il doit connaître peut-être aussi les égouts, les cartes, etc. On pourrait essayer de le réveiller et de lui demander son avis. Mais oui, totalement. Tu te vois de porter Alexios sur le dos dans l'état où il est ? Moi non, mais d'autres oui, j'imagine. Tu devrais savoir qu'il y a un blessé par balle, limite il faut pas qu'il bouge, quoi. Enfin... J'imagine. On peut lui demander la sortie et le laisse. Enfin, oui. On le laisse ici. Divertis-toi. Le but était de transporter en voiture. Dans tous les cas, oui. Pour moi, le propos est là. On a des cartes, on a Alexios, on a. Enfin, juste mettons-nous d'accord sur le fait que tout le monde parte et juste qu'on soit les plus prudents possible pour éviter une potentielle embuscade. Juste ça. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être faire deux équipes. Une équipe qui irait en reconnaissance par les toits avec un itinéraire que nous aurait donné Alexios pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gens embusqués au loin, pendant que les autres préparent et chargent les voitures et on s'envoie un genre de signal pour savoir quand est-ce qu'on peut partir. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je veux bien faire partie de cette équipe. Moi, je demande au MJ, du coup, est-ce qu'au moins les indécis... pas les indécis. Les restes, ils sont d'accord pour suivre le mouvement comme ils avaient prévu à la base par un vote démocratique. Eh bien, vous voyez que Peter Horvath et Eric O'Malley, de toute manière, n'ont pas l'air d'être en temps normal des gens très têtus ou quoi que ce soit. Ils ont l'air d'être plus du genre à suivre le flot. Donc voyant déjà qu'ils sont en minorité et en voyant que vous multipliez les discours pour partir, vous voyez qu'ils ont l'air quand même de pencher du coup dans votre direction. Et Jade, de son côté, Jade a l'air complètement dépitée d'être en minorité, ainsi de suite. Mais elle avait, comme vous l'aviez vu par le passé, plus tendance à se reposer sur les militaires pour servir de leader plutôt que de l'assumer elle. Donc, a priori, il semble ne plus y avoir trop de résistance vraiment à votre mouvement. Ok, dans ce cas-là, préparation, comme l'a dit exactement Driver, on se divise en deux. Il y a la partie qui reste ici, qui se prépare, l'autre partie va en reconnaissance. Et comme ça, dès qu'on peut partir, on part, on se rejoint et on abandonne personne sur le bord de la route. Alors, certes, mais donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de mon pick-up ? Est-ce que c'est les ceux qui partent en reconnaissance qu'ils prennent ou on le laisse ici ? On a combien de véhicules en fait, vraiment ? On en a qu'un seul ? Ouais, je crois. Deux, non ? Ouais. Ah, il y a que le pick-up ? Ok. Avant que quelqu'un me sorte une mobilette de son pion. La reconnaissance, pour moi, peut y aller à pied, parce que le but, c'est de vérifier la zone et qu'on passe par les toits. Donc, à part si tu prends ton pick-up sur les toits, ça risque d'être compliqué. Et on laisse à disposition le pick-up pour les partants et surtout pour pouvoir prendre Alexios qui est blessé. Et charger un peu des, bon, bah, des vous cherchez des trucs de première nécessité, quoi. Oui. Que ce soit des médicaments. Voilà, vous chargez les éclopés et les enfants, et les médicaments et les guns. Et puis, bon, vous essayez de vous entasser dedans le plus possible. Voilà. En tout cas. Qui part en repos. En tout cas, soyez prêts à partir de suite, quoi. Enfin, il faut que... On est 14, là, c'est ça ? C'est une question générale. On est 16 générale. Encore dans la colonie, actuellement. 16 ? Il me semble qu'on est encore 16. Ok. Je sais pas, en fait, je me suis basé sur les calculs du MJ pour les indécis, et etc. Mais il y a deux gens à évanouir, c'est ça ? Eux, ils sont 11, ouais. Et nous, on est 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bien ça, 16. Ok, ouais, ça fait bon, deux équipes de 8. C'est peut-être ça qui t'a posé les soucis. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, sur les calculs du vote, ça faisait 14. Mais comme il y a Alexios et l'autre qui évanouit, ça fait 16. Puis il y a Kali qui vote pas, enfin... Oui, ouais. Mais elle est dans les indécis. Ou alors, c'est-à-dire qu'on est 17. Ou alors, il y a eu un autre calcul. Mais enfin, bref, il y a un truc qui a fait qu'il y a que 14. Il y a eu une erreur de calcul parce que j'étais en train aussi de gérer les changements d'avis pendant que j'écrivais. Donc, c'est mal passé. D'accord. Ouais, bah, du coup, on fait deux équipes de 8. Comme on a dit, on divise par 2. Comme ça permet d'avoir... Enfin, on divise vraiment la tâche en deux quand il n'y a pas de... Okay. Autre chose. Alors, je vais vous demander, vu que vous voulez vous diviser en 8, qui sont les éclaireurs et qui sont les chargeurs ? Voilà. Je pense que les éclaireurs, ça peut être sympa si c'est nous 4, j'allais dire 5, mais il y en a un qui a avoir du mal à éclairer. Donc nous quatre, mais je propose ça juste comme ça, hein, voyons, c'est pas parce qu'on alors, est un groupe. Personnellement, je vais juste peut-être imposer une personne, parce que je fais pas confiance, j'ai très peur. Je préfère l'avoir avec moi, quitte à ce que, voilà, mais j'en assume la responsabilité, mais que Kali vienne avec nous. Parce que vu l'imminence de l'arrivée et la façon dont il a dit les choses, ouais, ouais. C'était qu'en gros, il va aller se barrer au plus vite. Donc si je veux, je ne veux ouais, pas... Ouais. Voilà. C'est compréhensible. Après, bon, mais attends, moi, franchement, je trouve ça dangereux d'emmener ça pour elle. Donc à la limite, on la met directement dans le coffre du pick-up. On met une personne qui, en permanence, doit rester dans le pick-up. On peut prendre Kali, je comprends l'angoisse de... je crois que l'homme évanoui veut parler. je sais pas comment réagir. Et non, je comprends et autant prendre Kali si on peut. Puis j'ai confiance en personne sauf en Alexios, mais on peut pas dire qu'il est dans un état... très très optimum pour veiller à la sécurité de Kali. Je prendrai, si elle est d'accord, je demanderai à Jade de venir. Comme c'est la plus réticente, j'aimerais pas que pendant notre absence, elle essaye de retourner encore une fois les gens. Ok, donc attendez, je vais marquer. Alors, Cinda, Ed, Driver. Dépêche-toi, la horde arrive. Dwayne, donc, tu veux participer aux éclaireurs ? Ok, Kali aussi avec vous. Alors, Alexios, lui, va rester avec les chargeurs, même s'il va rien charger. Et il ne me fait pas de prendre une balle. Bien déjà, je peux te dire que Jade, quand tu lui proposes, tout simplement, enfin, quand tu lui dis de venir avec vous, vous voyez, elle prend directement un air très... Je lui demande vraiment, pour le coup, dans le respect de... Je préférais qu'elle soit avec nous, je lui dis clairement, voilà, moi je préfère, hein, si... Après, vraiment, elle veut pas, tant pis. Ouais, tu vois qu'elle a soudainement un air... Elle perd énormément son air, vraiment très... très vindicatif, très rebelle ou quoi que ce soit, et elle a tout de suite un air beaucoup plus effrayé, beaucoup plus... Je sortirai pas de ce bâtiment sans... Enfin, genre, je vais pas faire éclaireur, quoi. Elle considère qu'éclaireur est beaucoup plus dangereux que de... Dans ce cas, je veux vraiment que tu sois méga efficace au chargement et que je veux que tu boucles la zone, tu gères les stocks, etc. Et que tu sois la dernière à monter dans le pick-up pour dire on part. Elle acquiesce et dit d'accord. Mais non, mais toi tu vas te placer dans le pick-up, c'est un des premiers trucs qu'on va placer dedans, t'inquiète pas. Allez, Bah, du coup, on demande des volontaires, ça ira plus vite. Qui est volontaire pour nous accompagner, sachant qu'il manque deux personnes, si j'ai pas de bêtises. Ou une seule, je ne sais pas. Ouais, non, alors deux personnes. Vous avez Adam, donc le prof d'ethnologie, qui est un peu vieux, qui se propose pour faire éclaireur. Mm-hmm. Ok. Voilà. Vous avez. Vous avez les Place qui se proposent aussi pour vous accompagner. Les Parfait. Deux places. Bah du coup ça fait 8 là non place. Ouais bah oui bah ouais, tout le reste va être dans le chargeur. Mais ouais, tant bah mieux parce que c'est 8 qui volent de l'équipement. Non mais c'est bien, on est 8 là ça y est. Adam et les deux Ok, frères. Et bah on se dépêche parce que si la horde est vraiment proche, faudrait pas qu'on soit vraiment niqué. Et il faut qu'on accède au toit. Il faut qu'on demande. Enfin, je sais pas comment on fait pour Alexios. Est-ce qu'on le réveille, on lui demande rapidement ou est-ce qu'on y va à l'improvisation? Mais on a une carte de toute façon du secteur. Il en avait une, donc on peut lui prendre sa carte. Il a dû noter plein de choses dessus. Des différents. Enfin, j'imagine qu'il a dû la noter de plein de choses. Pour la personne évanouie qui se demande pourquoi, on veut juste pas que tu te réveilles, que ça réveille une hémorragie ou un truc comme ça, ou je sais pas trop quoi, que ça. On veut pas te perdre sur un réveil. Non, mais ça, j'ai compris. Mais le fait que vous portez la carte, je suis le seul évanoui. Comment la bagnole va sortir? Faudrait qu'il y ait un de vous qui revienne pour récupérer la bagnole. Mais on va. Parce qu'ils vont pas savoir comment sortir. Non, mais justement, on va revenir. Mais non, on n'aura pas cette place. Non mais nous on sera à pied tout le temps, mais eux ils vont venir et après on va les guider. Ok. Enfin c'est ce que j'ai compris les autres, hein. C'est bien ça qu'on fait. MJ, c'est bien une personne qui revient, oui. On peut pas tous revenir parce qu'on rentre pas à 16 dans un pick-up. Ça par contre. Non mais de toute façon quitte à ce que. Mais... Parce que normalement, si j'ai bien compris ce qu'avait dit Driver, l'idée c'est que l'équipe qui va servir d'éclaireur puisse surveiller l'avancement et on se rejoint après. Pour moi, c'est vraiment en deux temps. C'est-à-dire qu'il y aura un éclaireur qui revient dans l'équipe pour dire c'est bon, on part. Mais sinon, après, l'équipe d'éclaireur reste, surveille et on se casse. Quoi. En gros, c'est pour ça qu'éclaireur c'est dangereux parce que on risque d'essuyer un peu des coups. Alors après, pendant qu'on va aller là-bas. Je vais quand même essayer de temps à autre, parce que quand même on reste des charognards, hein, un peu quelque part, de tester quelques bagnoles de temps en temps. Tu sais, faire le fameux fil pour voir s'il n'y a pas une caisse qu'on puisse récupérer ou pour avoir un véhicule supplémentaire. Donc je ne ferai pas à tous les véhicules parce qu'on n'a pas le temps, mais dans un autre, quand je vois un véhicule qui a l'air propre, qui a pas l'air, qui a l'air en bon état, je tenterai. Okay. Alors, il est du coup temps, vu qu'a priori ça a l'air bien pris votre plan, de se mettre en route. Et les éclaireurs donc quittent le Casio Market, tandis que les autres commencent déjà à fouiller dans les affaires qu'ils ont et à charger, enfin à décider de ce qu'ils chargent ou pas. Enfin, ils sont en train de faire ce qu'il faut, quoi. Et vous sortez, et c'est le moment de vous annoncer que... il semblerait que, en effet, même si certains d'entre vous avaient bel et bien en tête le fait que la situation était pressée, a priori, tout le monde n'avait peut-être pas une idée assez précise d'à quel point il fallait se presser. Parce qu'en effet, sortant, même sans les voir encore, vous entendez vraiment l'ambiance, l'aura, les grognements, les râles, qui ont l'air d'être, si ce n'est dans la rue d'à côté, au moins à quelques rues. Et assez massivement. Ok, alors on le sait maintenant. Du coup, vu que le but c'est qu'on aille sur les toits, est-ce qu'on a un moyen d'avoir une vision d'ensemble pour calculer un peu le temps qu'on a devant nous ? On se précipite à l'intérieur pour leur dire de se manier le cul et qu'ils sont là dans genre une dizaine de minutes. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, parce que clairement, quand tu nous dis qu'ils sont à quelques rues, tu penses que si on devait estimer le moment où ils vont arriver sur le Casio. C'était ma question. Ah, bon. Bien. Pour répondre à ta question, Cinda, merci. Vous savez que si vous les entendez quand même grogner et ce genre de choses, ce ne sont pas des choses qui sont du genre à hurler. Ils n'ont pas en eux l'énergie ou quoi que ce soit. En tout cas, vous n'avez jamais vu avec l'énergie à hurler. Donc pour les entendre, même si c'est un grand groupe, c'est qu'ils ne sont quand même pas très loin et qu'ils pourraient à tout moment commencer à se déverser dans votre petit parking. Ok, donc on part en courant. Il faut faire un départ express. Je propose qu'on reste en deux équipes. Il y a une équipe qui se casse en pick-up rapidement et il faut que les autres aillent à pied discrètement en passant par les toits. Il y a un truc beaucoup plus risqué que l'autre, mais de toute façon on rentre pas à 16 dans le pick-up, donc il faut forcément se séparer. Ouais. Vous bien... Vous voyez que les gens qui étaient de l'équipe des chargeurs, donc ceux qui étaient chargés a priori, prennent tout ce qu'ils peuvent dans leurs mains, sous leurs bras, alors que vous entrez et que vous décrivez donc la situation, et commencent à aller directement se diriger vers le pick-up et partir avec ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire pas grand-chose, mais ce qu'ils peuvent. Ok. Bon bah, qui conduit ? Qui c'est qui va prendre la place du conducteur ? Est-ce que... Mais toi, tu es allongé, toi. C'est pas notre groupe. Ça, les conducteurs, on les gère entre eux. Enfin, normalement, il y a des adultes consentants et normalement, ils savent conduire. Mais Ok. Bon, après groupe... je leur donne les consignes vite fait pour essayer de rejoindre la zone de l'hôpital. Donc, je leur indique la route à suivre. Donc, avec la carte, comme ça, vite fait, je fais ouais, vous avez là. Enfin, bref. Le trajet et nous après dès qu'ils sont partis on commence à monter sur les toits et j'imagine commencer okay. À suivre un chemin. Très bien, alors juste pour clarifier quelque chose, Alexios, tu es pris en charge directement par les deux frères Place qui se mettent chacun d'un côté de toi et qui essayent du coup de te déplacer du mieux qu'ils peuvent malgré ta situation qui n'est pas censée être déplaçable, mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Par contre, les Place qui sont sûrement les gens les plus réactifs du groupe des chargeurs. Non, pas des chargeurs, les Place sont avec vous, qu'est-ce que je raconte ? Bah oui, c'est ça. Oui. C'est Jade. Je voulais dire, Jade et Misha. Voilà, s'occupent donc de toi, Alexios, et ils sont donc les gens les plus réactifs de ce groupe-là. Vous remarquez par contre que personne n'a l'air d'être très réactif pour ce qui est du cas de... Francis Birkin, le militaire, qui a l'air d'être un peu laissé à lui seul, tandis que tout le monde se jette sur les affaires et amène Alexios. Ah oui. Après, c'est vous de voir. Je prends le premier qui passe, je hurle dessus, de venir avec moi et on le chope à deux et je vais les aider à charger. Ah mais à charger Francis dans le véhicule. Oui, à charger Francis. Alors, la première personne qui parle, qui passe... Oh, ah ben dis donc. Le destin aime Francis, a priori. C'est Bob Patrickac, donc le plus vieux du groupe. Celui qui a 81 ans et qui est inadapté à l'activité physique. Bah, je prends le deuxième connard. Bah, sinon, je... non, mais sinon, je viens. C'est pas... Je suis pas oui, sinon, tu viens. Mais en gros, c'est juste aller très vite. Quoi. Oui, c'est ça, non, je peux aller très vite, moi. C'est pas le problème. Très bien. Ok, bah, on y va tous les deux et comme ça, après, notre groupe y part. On s'aide en voyant que Simba a pas l'air d'attirer l'attention de tout de qui que ce soit, mis à part Bob Patrickac. Tu te jettes dans l'action et tu soulèves Francis avec elle et tu l'amènes du coup pour le mettre à l'arrière du pick-up juste à côté d'Alexios. Et vous partez donc en mode éclaireur avec, je vous fais un petit récapitulatif, Kali, Adam et les deux Place. Yes. Et les autres joueurs bien entendu ici présents, mis à part Alexios. Ok, c'est parti. Il est blessé. Ouais. Putain de merde. C'est magnifique. Ils avaient raison. Pour Kali, elle a quel âge? Là, j'ai oublié. Je suis désolé. Elle a 7 ans. Ouais, ouais, c'est... alors je propose qu'on fasse des... On fera des tours, mais qu'on la porte sur notre dos, parce que... je pense que s'il faut courir mettre, à un hein. moment... C'est pas un problème oui, pour moi. Hein. Mais je veux dire, si jamais on a beaucoup de marche, c'est bien si on fait des tours, etc. Parce qu'on a Dwayne aussi dans le groupe, on a des gens qui peuvent la porter. Enfin, bref, ça peut être dit en deux phrases pendant qu'on... Ouais, bien sûr. Et aussi pour indication, vous avez tout de même Archibald Place, donc un des deux frères Place, qui est quand même assez solide aussi physiquement, pas au niveau d'accord. de aide ou quoi que ce soit, hein, mais qui est quand même qui se tient quoi physiquement. Ok, bon bah c'est parfait. Très bien. Donc vous faites de votre, bah, vous allez, je pense directement à l'arrière du Casio Market pour monter sur le toit du Casio Market, c'est ça ? C'est ça. Ok, donc vous montez sur le toit. Alexios, je suis désolé, mais je vais te les mettre un peu de côté pour l'instant. Tu peux écouter, hein, mais bon, tu peux pas faire grand chose dans ta situation. Donc je vais pas me concentrer sur toi. Donc le reste du groupe, donc vous montez sur le toit du Casio Market du mieux que vous pouvez. Et vous faites de votre mieux pour passer directement sur un autre toit auquel vous avez une meilleure vue pour vous déplacer. Je vais d'ailleurs vous demander, du coup, à chacun des gens qui sont là, de faire des jets de dextérité pour l'instant, ça va juger de votre vitesse de déplacement. Alors moi j'ai 74 en très mauvais. Mm-hmm. Bon après j'ai la petite sur les épaules donc ça peut-être aussi... expliquer parce que je peux pas compenser avec ma force ou mon endurance, ouais. Mon effort, tu vas avoir du mal toi. Et Dwayne est devant. Alors que c'est moi qui boite. Ouais, voilà, il va plus vite que moi. Vous voyez que Dwayne, il utilise sa jambe boiteuse comme propulseur, il la jette devant lui, il se fait emporter. pour... Bon, en tout cas, Dwayne s'en sort extrêmement bien, il monte l'échelle, il saute de toit en toit, enfin il saute pas quand même parce qu'il n'y a pas d'espace ou quoi que ce soit là où vous êtes, mais il avance comme à une certaine vitesse, suivi donc bah, de Cinda, de Ashley, des Place, et tandis que toi, Ed et Adam, et toi donc portant Kali, vous êtes un peu à l'arrière, a priori toi t'as un peu de mal, t'as pris un mauvais départ a priori, et il y a le fait que tu portes Kali, et du côté d'Adam, bah, il est un peu vieux. Et il a un peu de mal. Et c'est un professeur, il a sûrement pas fait énormément d'activité physique dans sa vie. Ouais. Mais voilà. Vous en sortez donc du mieux que vous pouvez. Et je peux déjà vous dire, sans vous faire de jet d'attention ou quoi que ce soit, parce que ça se remarque. Maintenant que vous êtes un peu en hauteur, vous remarquez qu'en effet, il y a une masse. Une masse mouvante. De bien plus d'une plus d'une cinquantaine même, je dirais. Quelque chose qui... Vous ne voyez pas toute la grandeur du groupe, parce qu'entre les toits et quoi que ce soit, vous ne voyez pas tout. Mais immense. Ils sont tous en train de se bousculer les uns les autres. Certains, vous en êtes certains, sont même à quatre pattes en train de ramper, tellement il n'y a pas de place pour se tenir debout pour eux. il y en a énormément, et vous savez que d'une seconde à l'autre, ils vont commencer à se déverser dans le parking avec vos compagnons qui sont en train de commencer à démarrer et à partir. Ok. Bah, je regarde juste, enfin, pendant qu'on avance, je vérifie juste que le pick-up est parti. Ils sont en train de partir, ça risque d'être compliqué de leur côté. Ok. Du coup, on continue d'avancer, je suppose, hein, et puis on se dirige du mieux qu'on peut vers la zone de l'hôpital. En effet. Donc, vous allez avancer. Si quelqu'un a une remarque à faire. Non. Alors, je vais vous demander des jets d'effort, parce que là, on est du coup sur quelque chose qui dure sur la durée. Que vous essayez quand même d'avancer du mieux que vous pouvez sur le long terme. Tandis que, du coup, un peu de narration pendant que vous faites vos jets. Tandis qu'en bas, du coup, pour ceux qui jettent des petits coups d'œil de temps en temps. Oui ? Je suis désolé, j'étais en train de voir mon chat qui était blessé. Tu peux me redire le geste, s'il te plaît ? Un jet d'effort. Merci. Voilà. Bah, je suis pas verni là. Tandis qu'en bas, pour ceux qui regardent en bas, oui. Pour ceux qui regardent en bas pendant qu'ils progressent, vous remarquez qu'en effet, ils commencent à se déverser dans le parking toute cette légion de cadavres, de morceaux de chair qui s'arrachent. Le pick-up, enfin le véhicule en tout cas de Dwayne, avance et commence à en tamponner certains. A priori, à en sortir va être un peu compliqué sans en toucher quoi que ce soit. Ils en repoussent certains. Vous ne savez pas s'il y en a qui s'enroulent dans les roues ou quoi que ce soit, mais l'avancée est compliquée. L'avancée est vraiment compliquée. Oh, merde. Certains peut-être se demanderont, que ce soit dans votre groupe ou dans ceux qui sont en bas, s'il n'aurait pas été mieux finalement d'abandonner les derniers indécis pour aller plus vite. Mais ça, c'est vous et votre âme qui devez en décider. Et voyons vos résultats à présent. Ok, donc on a du... Moi, j'ai du mal. Okay. C'est compliqué. Ok. Donc, vous vous en sortez du mieux que vous pouvez. Alors, pour certains, c'est plus compliqué que d'autres. Pour d'autres, c'est beaucoup plus facile. Je fais léger pour les autres. Et ouais, en effet, plus vous avancez, plus il y a un écart qui est en train de se créer entre le groupe et d'un côté, du coup, Ed et Adam qui se séparent de plus en plus, tandis que Après, tout le monde s'en sort pas assez bien. C'est vraiment Ed et Adam qui sont en... commencent à être vraiment en arrière. J'essaie de me concentrer, dire bon, allez, putain, faut que je me fasse. Très bien. Moi je propose, tout en avançant, est-ce que c'est pas le moment de faire un échange pour Kali et pour permettre à Ed d'avancer plus facilement, voyant qu'il est vraiment derrière. Ok. Très rapidement, Archibald Place, toute manière, qui s'arrête dans sa progression, vous en signe de continuer, vous, et va tout simplement, dès que tu seras arrivé à son niveau, Ed, tout simplement tendre les bras pour que tu lui passes Kali et. D'accord. Et prendre la relève. Ça marche. Très bien. Donc tu acceptes de mettre ta confiance temporaire dans Archibald Place. Bah oui, c'est. Et vous continuez votre progression. Je vais te redemander un petit jet quand même parce que ça change quand même un peu. Donc toujours de l'effort. Ah, c'est mieux déjà. 53 en très bon. 53 en très bon. Et finalement, elle pèse quand même 100 poids, la Kali. Bah après, je me dis que ce qu'il faut imaginer, c'est que tout ce qu'on fait là, on le fait dans la foulée de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire le combat. Donc physiquement, j'ai aussi usé de ma stamina, enfin de mon endurance. Donc je suis fatigué, je suis quand même bien fatigué. Du coup, tu avances du coup à une meilleure vitesse, tu commences un peu à rattraper le groupe, même si l'écart ne sera sûrement jamais rattrapé entièrement, parce que bon, personne ne s'arrête vraiment, quoi. Ouais. Tu vois que Archibald, du coup, avance à la même vitesse que toi en portant Kali, plus ou moins. Ouais. Adam, lui, derrière, je fais que changer son nom, c'est Adam ou Adam, mais Adam, qui est derrière, donc lui, il a toujours du mal. Bon, il a pas l'air de pouvoir se remettre de sa situation. A priori, il a peut-être mal choisi son groupe parce qu'il est un peu trop volontaire. Mais il avance. C'est juste que l'écart est en train de se creuser. D'accord. De ton côté, Alexios. Alors, je ne vais pas te demander ce que tu fais parce que tu ne peux rien faire. Mais je vais simplement te demander, Alexios, si tu m'entends, un petit jet de des chances. C'est toi et toi seul, c'est pas vrai, pas toi seul, mais qui va quand même décider un peu ce qui se passe pour le pick-up. Je fais d'objet, bien entendu, mais... Et tu avais... Ok, très bien. Du coup, bien, Alexios, toi qui es un peu dans les vapes, tu reviens un peu à la conscience, de manière, le fait de t'avoir déplacé t'a ramené un peu à la conscience, t'es pas resté inconscient, même si t'es toujours entre deux mondes, hein. Dès que tu vois un visage, tu te demandes si c'est pas un ange, mais t'es toujours présent, et tu remarques qu'en effet, le pick-up a vraiment du mal, a vraiment du mal à avancer. A priori, ça fait que tamponner dans des rôdeurs, des marcheurs, ou peu importe comment vous appelez, ça fait que tamponner. Il y a des moments où c'est obligé de reculer et de faire un espèce de mini-décalage sur la droite ou sur la gauche pour essayer d'en éviter une grosse masse. Et tu commences à avoir conscience que le véhicule va vraiment avoir du mal et qu'il est tellement enfoncé à présent dans ces créatures qu'il y en a de tous les côtés. Je vais te permettre, si tu me fais un petit jet de constitution réussi, une petite action. Mais d'abord, il faut le mériter, donc tu vas me faire ce jet. Sans perdre TV. 60, ok. Et on avait dit, ouais, en constitution... Piance. Eh bien, du coup, tu ne le mérites pas. Tu essayes de faire un petit mouvement, peut-être même de parler, peut-être donner un conseil, peut-être faire quoi que ce soit, mais non, ça ne sort pas. T'es toujours absolument pas maître ni de ton corps, ni de tes cordes vocales, ni de quoi que ce soit. Tu es spectateur de cette situation catastrophique. De votre côté, pour les gens qui ont du pouvoir sur leur propre destin, vous pouvez... Continuez à me faire des jets d'efforts, s'il vous plaît. Tandis que, à vos narines, tandis que vous commencez à avancer, commence quand même à se répandre une odeur de pas seulement de pourriture, et c'est normal parce que c'est ce qui les accompagne toujours, mais aussi une odeur de brûlure, vraiment de chair carbonisée. Et en y jetant quelques coups d'œil, vous remarquez qu'en effet, beaucoup d'entre eux, une bonne partie même, sont soit partiellement, soit entièrement carbonisés, noirs, perdant des morceaux de cendres, quoi que ce soit, sur leur chemin en avançant. Et c'est vraiment cette odeur de viande brûlée qui enrobe tous les lieux. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, hein? 42... Du coup, 77, je me pose la question, si ce serait pas... Les rôdeurs qui ont été pris dans les explosions, tout ça, qui se déversent maintenant par ici, je sais pas. Ainsi donc, vous continuez votre avancée du mieux que vous pouvez. A priori, vous vous en sortez quand même assez bien, mis à part que Ashley, du coup, prend un peu de retard, en effet. Elle commence à se retrouver au même niveau que celui où il y a Ed et Archibald, donc en milieu de cortège, pour ainsi dire. Et vous avancez du mieux que vous pouvez, et je vais commencer à vous demander, est-ce que vous suivez un peu quand même le long de la route qui est censé prendre le pick-up, ou est-ce que vous partez vraiment dans l'idée de les rejoindre là-bas et de prendre les chemins qui vous avantagent le plus, parce que vous commencez à tomber sur des moments où il va peut-être falloir commencer à faire des sauts ou faire des trucs en équilibre pour continuer à progresser, si vous voulez suivre la route. Bah, on prend le chemin safe parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a un vieux monsieur avec nous. S'il va falloir commencer à faire des sauts, des trucs comme ça, on l'a pu, le vieux monsieur. Oui, et puis même, il y a Kali, donc on peut pas... D'autant plus que surtout, on est des éclaireurs, donc on est censé arriver à fond en même temps. Même si, bon, c'est un peu vu qu'on est parti en bombe. Voilà. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Donc, vous décidez de prendre les chemins qui vous faciliteront le plus le déplacement, et vous commencez donc à quitter le véhicule de vue. Et j'aimerais bien vous dire à quitter aussi cette horde charbonnée de vue. Malheureusement, maintenant dans vos hauteurs, vous remarquez qu'elle s'étend assez largement. Vous commencez à comprendre peut-être pour quelle raison, pendant tant de temps, depuis que toutes ces choses ont commencé, vous n'en avez pas vu énormément. C'est peut-être qu'en effet, depuis le début, ils avaient été énormément concentrés. Et vous voyez ici une bonne partie de la population de Miami. Ah oui, carrément. C'est une façon de parler, bien entendu, mais... 3 millions de rôdeurs. Comprenez le flow de ce que je vous raconte, comprenez ce que je vous exprime là. Bon, ben on se casse. ouais. Donc, quelque part, voilà, ça me conforte dans l'idée que... ils venaient vraiment nous aider. Ils avaient pas, enfin, ils étaient pas obligés de le faire. Tu vois, c'était vraiment gratuit. Et tandis que vous les quittez des yeux, je vais demander un autre jet de chance à Alexios, qui cette fois-ci va vraiment décider d'un destin terrible. C'est du suspense. Et donc, Alexios, toi qui es toujours incapable de bouger, pas mettre ton corps que ce soit, tu commences à remarquer qu'en effet, après avoir peut-être écrasé un ou deux crânes de rôdeurs sous la roue, le véhicule a l'air de commencer à avancer de manière un peu plus efficace, un peu plus progressive, et commence à essayer de mettre un peu de distance avec certains des rôdeurs qui étaient en train d'entourer entièrement le véhicule. La suite sera-t-elle bonne ou pas, c'est le destin qui nous le dira. Pour l'instant, du côté de nos éclaireurs, je vais vous demander, pour ne pas faire durer les choses trop longtemps, un dernier jet d'effort, en sachant qu'en tant que dernier, il aura donc un impact plus grand que les précédents. 31, très bon. Mmh. Six moyens. Mmh. On se reprend. Croyons, on est tous bons là. Ok. Alors, très majoritairement positif, en effet, vous commencez à mettre les bouchées doubles. Est-ce que j'ai vu celui de Dwayne? J'ai pas celui de Dwayne, non? Le jet d'effort, comme avant. Ah oui! Bon, peut-être pas si positif que ça. Mais de manière largement positive, Cinda, Driver, Ed, un des deux Archibald et même Adam commence à prendre de l'avance. Vous commencez à vous réunir de nouveau en un espèce de groupe réuni. Tandis que du côté de Archibald Place, qui porte donc Kali, et du côté de Dwayne, il y a un gros retard qui commence à se mettre. Pour du côté d'Archibald, c'est parce qu'il fatigue. Bah, je retourne. Et du côté de Dwayne, c'est pour une autre raison, parce qu'en effet, ce n'est pas... Bon, c'était les deux plays, pas les deux Archibald. Non, mais du côté de Dwayne, lui, du coup, le problème dans sa progression, c'est qu'en effet, il fait un mauvais pas avec sa mauvaise jambe, et pour ceux qui regardent derrière vous, vous pouvez remarquer que du coup, il tombe au sol, Il manque même de, si ce n'est tomber du toit, hein, il est au bord du toit. Et il a l'air d'avoir du mal à se relever, même, voire même... Bon, moi, je m'arrête pour l'aider. Ok. Donc, on a Cinda et Ed qui s'arrêtent. Parce que Ed va retrouver Kali. C'est ça. Je la récupère. Tandis que Cinda, tu vas à la... À la rescousse. À l'aide donc, de Dwayne. Je vais vous demander... Je vais demander, du coup, à Ed un jet de constitution, on va dire. Ça va être pour reprendre la suite... La situation et à Cinda aussi de constitution parce que tu dois soulever un monsieur adulte qui, oh. qui se ce n'est pas rien. Alors là, je remercie tous mes entraînements de boxe. Oh, c'est génial. 73, très bon. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de Cinda? Alors, c'est pas le génial que je m'attendais. Moi, je m'attendais à un génial ironique. Ça aurait été plus rigolo. Ah non. Bah, alors ça aurait été très rigolo, je l'avoue, mais il semblerait que la boxe Cinda, alors était pas très forte en combat, mais dans les entraînements, la meilleure. Ok, très bien. Donc ce qui se passe, c'est que, eh bien, vous vous en sortez très bien. Ed, tu te rapproches de nouveau d'Archibald, tu récupères Kali, ce qui permet à Archibald de réavancer lui aussi, et toi de reprendre, d'essayer de rattraper de nouveau du coup le gros groupe qui s'était reformé. Et pour ce qui est de Cinda et Dwayne, donc Dwayne, tu te fais rapidement aider par Cinda qui s'est arrêté, qui est couru dans l'autre sens pour te rattraper. Et qui t'aide à te relever et qui t'aide à continuer la progression parce qu'il faut dire que cette chute a lancé quand même une certaine douleur dans ta jambe. C'était pas juste une chute et on repart. C'est une chute qui te ralentit significativement. Ce qui fait que Cinda, tu te retrouves avec Dwayne vraiment à l'arrière total. Et je vais vous épargner d'autres jets pour le reste de la situation. Vous continuez à avancer. Et passant de toi en toi, perdant radicalement et totalement de vue que ce soit la horde ou le véhicule, vous commencez une progression qui se fait de plus en plus lente, bien entendu, parce que quoi qu'il se passe, vous n'allez pas pouvoir tenir la course... d'un quartier à l'autre. Et peu à peu, l'adrénaline redescend. Et vous avancez maintenant, pour certains en marchant, pour d'autres en marchant plus vite. Vous avez à présent la capacité, si vous souhaitez, de discuter un peu plus ou quoi que ce soit, tout en continuant votre discussion. C'est à vous de voir. Du coup, on a la capacité de discuter tout en continuant de discuter, c'est ça? D'avancer. Arrêtez, c'est bon. Ah, alors, c'est moins, pour te moins taquiner. 20 points, oh, moins 20 points au prochain G au sujet de Kali. Non, pas gentil ça. Non, je plaisante. Non, bien sûr. Du coup, je fais juste référence au groupe. J'espère que ils ont pu s'en sortir. Maintenant, est-ce qu'on voit l'hôpital de là où on est? Est-ce qu'on a vu sur lui ou pas? Alors, vous voyez, en effet, de toute manière, vous aviez très peu vu, mais tout de même un peu vu sur l'hôpital, rien que depuis le Casio Market, de loin, dans les hauteurs, parce que c'était pas un bâtiment très petit. Non. Et oui, là, vous avez vu sur lui, et vous remarquez d'ailleurs qu'il a entièrement pris feu depuis. Il est noir à plusieurs endroits, il y a toujours des fumées qui viennent de cette zone-là, d'ailleurs. Ah, mais, d'accord. Oui, il est en vue, vous en êtes pas particulièrement loin. Là, vous êtes dans le quartier, directement de l'hôpital, mais vous n'êtes pas à l'hôpital. D'accord. Donc en gros, ils avaient quand même fait exploser l'hôpital parce que on pensait qu'ils l'avaient épargné, mais en fait, pas du tout. Alors vous n'aviez pas vu d'explosion. Pour rappel, juste, hein, je vous dis. Oui, c'est ça. On pensait que. Sur l'hôpital. En tout cas, explosion ou pas, il a été touché par quelque chose en tout cas. Ouais. Putain, heureusement qu'on s'est barré parce qu'on aurait été mal en point. Du coup, je me retourne vers vous et je fais mais Ok, maintenant on sait que l'hôpital est foutu, mais qu'est-ce que vous préconisez? On attend, on essaie de se rapprocher de plus près et on reste sur les toits en attendant de voir arriver le véhicule. Oui, de toute façon, c'est là où il y a le point de rencontre. On n'a pas d'autre choix que de s'y rendre et de les attendre. Combien de temps on attend? Genre, à un moment donné, je veux dire, on ne sait pas où ils en sont. On ne sait pas s'ils ont réussi à s'en sortir. Vous avez vu que le véhicule était quand même pris dans la masse. Alors, j'espère vraiment qu'ils sont sortis. On attendra le temps qu'il faudra. Si vraiment la situation s'internalise, on en parlera. Mais à l'heure actuelle, ça ne sert à rien de capitaliser sur un malheur. Ok. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Hein. Je sais pas si vous avez des choses à dire de votre côté, mais... Sauf les gens qui doivent plonger. Moi, dans la marche, je me rapprocherai de Driver à un moment et je lui lancerai un petit « t'as vu ?» J'ai laissé tomber personne. J'acquiesce, avec respect. Pendant... On a perdu quelqu'un. Non, je suis là. Ok, d'accord. Pendant ce temps, du coup, vu que la discussion commence un peu à se tasser, vous avez tout de même les Place qui s'incrustent un peu dans la discussion, en particulier Melrose Place, donc... Pour rappel, pour ceux qui géraient les médicaments, on était celui qui avait essayé de voler des médicaments. C'est le moment qui se rapproche un peu du coup du gros groupe que vous avez, enfin du petit groupe que vous avez, et tout simplement se gratte un peu la gorge. Et dit du coup, la suite c'est toujours d'aller en campagne dans le nord de l'État. Bah écoute, je pense que on va essayer déjà de voir l'état des troupes une fois qu'on sera arrivé à l'hôpital. Et puis, de toute façon, on sait maintenant qu'on n'a pas le choix. Il va falloir que, si on veut se déplacer plus rapidement, plus facilement, il va falloir qu'on trouve un autre véhicule parce que un seul pick-up, ouais. ça va pas aller. Personnellement... Oui. Après, oui. Où on va, je pense, ça dépendra de... c'était le plan initial. S'il se tient, autant le garder. S'il y a mieux qui se profile, autant être opportuniste. Je pense que, vu notre situation, faut pas trop faire les fines bouches non plus. C'est vrai. À ça, réagit l'autre place, donc Archibald, celui qui a aidé pour Cali. Il dit, ce que mon frère essaye de dire... C'est juste qu'il n'ose pas trop, c'est que quand on va se retrouver avec les autres, peu importe l'état dans lequel on les retrouve, on est maintenant désorganisé, on a eu des dissensions jusqu'à là tout de suite. Ça risque de continuer pour la suite. Il faudrait qu'on présente une direction solide. Et je pense que le mieux à faire, c'est que quand on les retrouve, on soit très clair sur le fait qu'en effet, on va dans le nord de l'État et qu'il n'y a pas à discuter. On pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est bien vu. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Il nous faut un objectif. À ça aussi, Adam qui est avec vous, acquiesce aussi. De toute manière, il a toujours été pour que tout le monde reste ensemble. Et de toute façon, moi, je peux vous dire, je connais parfaitement le chemin. Une fois qu'on est sorti de cette putain de ville, je peux vous mener tranquillement les mains dans les poches par chez moi. Et alors, je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on fait après, mais en tout cas, je peux vous amener au nord de l'État de Floride sans aucun et absolument aucun problème, et avec tout le monde en vie. Et voilà. Okay. C'est parfait. Je suis capable. Bah, Du coup, moi, je vous propose... Parce que... Oui. Parce que dans ce groupe, on est solidaire. Et que moi, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à me relever quand je suis tombé. Que ce soit comme ça. Ou pas pour le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On va le faire. Bon, en tout cas, une fois qu'on sera arrivé au niveau de l'hôpital, si vraiment, comme l'a dit la personne qui est venue nous voir tout à l'heure, ça doit être l'endroit le plus entre guillemets safe de la zone. Je prendrai peut-être un peu de temps pour, en attendant qu'ils arrivent, pour visiter un peu le secteur et voir si je peux pas trouver un véhicule supplémentaire. On sait jamais. S'il y en a qui veulent venir avec moi. Oui, il va falloir rapidement, je suis d'accord, trouver des moyens de pouvoir transporter tout le monde pour arriver à destination. On va s'organiser, on va voir comment ça se passe à l'hôpital, qui revient, dans quel état, et on va créer très rapidement, je pense, une unité qui va aller chercher des ressources et notamment des véhicules. Je suis d'accord. Très bien. Je vais me permettre de vous laisser dans votre coin pour l'instant et de me concentrer sur Alexios. Alexios, de ton côté, sur une autre ambiance, tu es... Ils vont me flinguer avant d'arriver. tu es toujours donc dans le véhicule qui est conduit par Misha, qui est conduit par Misha, avec à côté d'elle, à l'avant, il y a Jade, et tout autour de toi, il y a donc Bob Patrickac, donc le plus vieux monsieur du groupe, son compagnon Cillian Finici, ainsi que Peter Horvath, le boucher, et allongé à côté de toi, vraiment, vous avez été mis à côté dans le même coin pour pas gêner trop les mouvements qu'il pourrait y avoir, quasiment collé à toi, donc Francis, qui est dans un état équivalent au sien, si ce n'est que toi, tu es sûr d'être conscient. Lui, c'est un peu moins sûr. Tu es maintenant revenu quand même un peu à toi. Tu n'as pas la capacité vraiment de faire des bruits intelligibles. Tu peux faire des espèces de sons, mais tu ne peux pas t'exprimer pour le moment. Tu es vraiment encore trop ailleurs. Tu peux pas trop bouger. Tu peux faire des très longs mouvements, vraiment quelque chose de très très hagard et très très incertain. Je mets la main sur l'épaule de Jade. J'essaie de parler, mais dans ma tête, Ça ne va pas être possible parce que Jade est à l'avant. Moi, je suis dans le coffre, c'est ça. Ouais, vous êtes à l'arrière, en fait. C'est à l'arrière. T'es à l'arrière. Je me colle la tête contre le pare-brise de l'arrière, tu sais, qui est à moitié pété. J'essaie de passer de la main. Alors, je vais juste demander, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu des incertitudes sur ce véhicule de Dwayne. Dwayne, ton véhicule. C'est quoi ton véhicule, bordel? Mais arrête-moi, c'est un putain de pick-up. Il a, c'est un pick-up, c'est-à-dire qu'il a deux places à l'avant. Derrière, quoi. Enfin, c'est un pick-up. Ouais, c'est une remorque, ouais. Donc, il n'y a pas de vitre à l'arrière. Il n'y a pas de. Oui, c'est pas une remorque, mais on s'est compris, c'est le truc. C'est pas un putain de Transformer, il peut pas changer. Un putain de Transformer, il peut pas avoir un coup un toit, un coup non, une bâche. Je sais pas. Non, ton véhicule, pardon, n'a que deux places, point barre. Le reste, c'est on pose une question, est-ce que l'arrière a un toit ou pas? Normalement, non, à ce que j'ai compris. Ah ben ouais, on n'aura pas. Il n'y en a pas. Ok, très bien. Sur l'autre épisode, quand même, on avait dit qu'il passait la main à la vitre. Bah oui, parce que t'étais à l'avant. Oui. Merde. C'est toi qui sais. Il y a une vitre derrière. C'est la vitre derrière, derrière le conducteur, en fait. Ouais. Tu sais, bah, celle-là, elle était cassée. Elle a été pétée, je crois. Ouais. Alors déjà, elle est cassée, ouais, et tu es allongé. La vitre n'est pas au sol. Ah. Voilà. Ah. Voilà. Je me regarde mes mains. Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis au paradis? Très bien. Je tourne ma tête et je vois Peter en Mars et je fais oh merde, on n'est pas au paradis. Je vois personne n'aime. Donc, tu regardes un peu, tu dois essayer de reprendre un peu tes marques. Tu vois que tout le monde a l'air pas mal inquiet. A priori, vous n'êtes plus en plein milieu d'une horde, mais vous avancez. Tu regardes tes mains, tu vois qu'il y a du sang toujours un peu sur toi. Tu sais pas si c'est du sang vraiment, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre temps? Ou est-ce que c'est juste de quand toi tu t'étais un peu tâté, quand tu t'étais fait tirer dessus ou quoi que ce soit? T'en es pas certain. Tout ce qui est sûr, c'est que quelque chose ne va pas. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu ne sais pas encore trop quoi. Et je vais te demander un jet d'attention, s'il te plaît. 47 et j'ai moyen. Voilà. 47 est un moyen. Ok. Eh bien, t'as un moment à le mettre. Tu sais pas si c'est parce que t'es. Parce que tu. C'est très discret ou si c'est parce que tu. Es dans les vapes. Mais tu commences à remarquer que. Ce Francis qui est juste à côté de toi. Qui a toujours son visage extrêmement tuméfié, hein, parce qu'il s'est fait, on l'a asséné de coups encore et encore et encore, et on l'a laissé dans l'inconscience jusqu'à présent, n'a pas l'air de respirer. Il fait des grands mouvements. Il n'a pas l'air de respirer, et pourtant il a l'air de revenir à lui. Je fais des grands mouvements en panique. Alors, je vais te demander des jets, s'il te plaît, de dextérité, voir si comment tu peux te faire pour faire des grands mouvements malgré ton état. 25 et j'ai bon en dextérité, je crois. Ouais. C'est combien? J'ai fait 25 et j'ai bon en dextérité, regarde. Okay. La preuve en caméra. Attends, il est où là? Il est là. Et le 5 est là. Ok, voilà, très bien. J'ai fait des grands mouvements. Pour du cul, je fais des mouvements pour le jeter par-dessus bord. Ce qui se passe donc, c'est que tu commences à te remarquer, tu commences à essayer de lever une main pour essayer de faire un mouvement, sauf que ta main du coup elle retombe juste au-dessus de toi et tu commences à relever l'autre, essayer de faire des mouvements, essayer de faire peut-être un petit bruit, d'essayer d'appeler quelqu'un, sauf que tout ce que tu sors c'est un Et c'est le moment où je vais faire des petits jets d'attention pour tous les gens qui sont à l'arrière. Oh putain, je m'intéresse de bon. si c'est un rôdeur, on est foutu. Okay. Du coup, tu vois que à l'arrière, donc, tu as Peter Horvath qui a l'air de regarder plus derrière, hein, tout derrière le véhicule, voir s'ils sont pas suivis entre guillemets. Tu as Bob, Patricia et Cillian qui sont en train, a priori, d'essayer de discuter, de vérifier s'ils ne sont pas blessés l'un l'autre. Et a priori, donc, tu n'as personne qui a l'air de remarquer tes mouvements. Tandis que Francis ouvre ses yeux blancs neige. Oh putain! Et qu'il commence à te regarder. Je fais des grands mouvements, en panique. Je vais te redemander, s'il te plaît, encore un jet. Et j'essaie de me lever, parce que j'ai pas envie de me lever, moi. Très bien, très bien. Trois. Ok. Du coup, bah, tu lèves, tu refais encore un mouvement, tu essaies de bouger, et là, vraiment, tu fais un grand mouvement, tu vois, il y a même ton bras qui retombe sur le côté et qui tape sur le sol du pick-up, ce qui fait un certain bruit tout de même. Et Il y a vraiment des sourds dans ce pick-up. Il faut leur acheter un sonotone, c'est trop du cul. Et tu remarques donc Bob Patrika et Cillian, ils sont toujours en train de discuter, a priori vraiment ils sont vraiment en train de discuter, ils n'entendent pas le bruit. Et tu vois que Peter Horvath, lui, il tourne la tête vers toi, il a entendu le bruit de ta main, de ton bras qui est retombé sur le sol, et il te regarde, sauf que tu vois qu'il n'a pas l'air de comprendre immédiatement la situation. Je lui montre à Francis. Tu comprends parfaitement la situation parce que tandis que Francis est en train d'essayer de se rouler vers toi peu à peu, parce que je rappelle que Francis est ligoté, quelque chose qui te sauve certainement en ce moment même, tu remarques ça et t'essayes d'indiquer Francis avec la main. Tandis que Peter Horvath, je vais lui faire un petit jet du coup, un dernier jet. Qui le voit ? Que tu vois les yeux de Peter Horvath devenir vraiment ronds et immenses, et il commence à se lever. Tu le vois qu'il trébuche dans le pick-up, parce que le pick-up va quand même à une certaine vitesse. Il tombe juste à genoux dans le pick-up, et il avance un peu à quatre pattes vers toi, et il essaye de te choper par ton bras, et il essaye de te tirer vers lui. Je vais... Balancez-le par-dessus bord à ce trou du cul. Tu vois que il te tire vers lui et il y arrive assez difficilement, mais il y arrive. Tandis que du coup, les autres se tournent de nouveau vers la situation parce que maintenant il y a du mouvement. Et tandis que la situation devient plus compliquée. Et je vais. Pas sur les autres. Alors, moi, ça va bien. Dis, driver, t'as pas un peu soif ? Tiens, prends de l'eau. Donc, vous continuez votre marche. Vous, de votre côté. Vous avez dit que vous continuez à marcher ou vous attendiez déjà ? On va au point de rendez-vous. Donc, on continue à marcher jusqu'au point de rendez-vous. Donc, vous continuiez à marcher. Et vous commencez donc à vous approcher de la zone de l'hôpital. Et vous commencez à marquer dans les rues que vous longez un peu de temps en temps à certains moments. Qui a l'air en effet d'avoir eu des aménagements depuis la dernière fois que vous êtes passé. Certains véhicules sont revenus. Je vous rappelle que dans les alentours, c'était de plus en plus désert en termes de véhicules, ça avait été complètement vidé. Certains étaient revenus et avaient été placés de manière, du coup, et ont été placés de manière à bloquer certaines rues, certaines ruelles. Ce qui a l'air de former un espèce de parcours qui avait été fait partant de l'hôpital pour aller dans d'autres zones. Je ne sais pas si vous avez des remarques là-dessus, mais vous continuez votre progression. Ouais, bah en gros, on sent quand même que... On comprend pour la suite. Non, le note. On sent qu'ils sont en train de sécuriser la zone avec les véhicules, quoi. Ouais. Ouais, pour faire tout ça, ils sont quand même super bien organisés. Parce que là, on parle pas de un ou deux véhicules, c'est genre... J'imagine pour faire un mur de bagnole, il faut quand même un bon paquet, quoi. Surtout pour résister à une horde. Donc, clairement, oui. Donc, oui, c'est assez impressionnant. Vous aviez peut-être déjà des questions sur quelle est l'ampleur de ce groupe, parce qu'en effet, pour faire les dégâts qu'ils ont fait, rien qu'en termes d'explosion et d'incendie ou quoi que ce soit, il fallait quand même quelque chose. Là, vous commencez quand même à vous dire qu'en effet, il y a l'air d'avoir certains moyens qui ont été mis. Mmh. Vous continuez toujours donc votre progression. Je lance le débat, tandis que du coup, on se déplace sur... est-ce qu'au final, avec aucune insistance, mais c'est juste un débat un peu, on va dire, dans l'air, sur est-ce que ce serait pas plus sécurisant de vivre parmi ce genre de communauté plutôt que tenter sa chance seul à la campagne ou autre ? Bah du coup, Ashley, on a discuté un peu de ça avec l'homme qui est venu tout à l'heure avant qu'il rentre dans le market. Et clairement, il nous a fait comprendre que c'était pas pour l'instant imaginable de les rejoindre car ils ne nous connaissent pas. Mais que peut-être si on les recroisait un de ces jours. Pourquoi pas, mais pour l'instant, ce n'était pas à l'ordre du jour, du moins de leur côté. Mais c'est vrai que oui, puis leur, regard, leur même organisation. Si on leur a fait confiance là, moi je rappelle qu'Alexios il a. En effet. Du coup, vous continuez votre progression tout en continuant la discussion. D'ailleurs, les Place, eux, sont étrangement silencieux sur cette question-là. Vous savez que les Place ont toujours des avis assez tranchés tout de même. Mais eux, ils sont assez silencieux. A priori, ils n'ont pas l'air d'avoir de position précise. Ils sont un peu dans le brouillard à ce niveau-là. Tandis que Adam, lui, est très. Va dans la direction de Driver. Adam est complètement dans l'idée de si on les recroise, il faudrait mieux faire du mieux qu'on peut pour se faire accepter là-bas, parce que c'est comme ça que toutes les civilisations ont survécu, c'est par le groupe et c'est par l'organisation. Les nomades et ce genre de choses, ils n'ont jamais fait grand-chose. Regardez, et là ils partent dans des discussions sur différentes populations nomades. Bref, c'est ça. C'est son domaine, mais bref. Ouais, non, ça se. De toute façon, de toute manière, pour qu'il y ait un avenir, il faut que la civilisation se reconstruise. On n'a pas le choix, on peut pas, on survivra pas si on est tout seul. Donc, ça arrivera forcément à un moment donné. Mais là, pour l'instant, il faut juste qu'on sauve notre peau et en espérant que nos amis s'en soient tirés. Après, je commence quand même à regarder les voitures qui sont en bas et de voir si. Alors, est-ce que on peut noter quand on regarde la façon dont c'est fait, genre de quel côté est la zone sûre et celle qui est pas sûre en fait. Donc, de quel côté il faudrait qu'on soit pour qu'on soit du bon côté. Alors, trois choses par rapport au fait que tu regardes en bas. C'est que, premièrement, pour répondre directement à ta question, il n'y a pas vraiment de possibilité de voir ce qui est sûr et ce qui n'est pas sûr. Les deux côtés se ressemblent assez énormément. Il n'y a pas d'un côté des zombies en train de taper et de l'autre non. Il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'un côté qui a l'air plus renforcé que l'autre ou quoi que ce soit. D'accord. C'est. Voilà. C'est assez bien fait, mais ce n'est pas non plus perfectionné à ce point-là. D'accord. Enfin, en tout cas, moi, je regarde quand même si, à tout hasard, il n'y aurait pas un véhicule qui soit... qu'on puisse tester sans pour autant mettre à mal leur construction, en fait. Genre, s'il n'y a pas un véhicule qui est pas nécessaire pour... que ce soit viable. Et parmi les deux dernières choses donc, que j'avais à dire par rapport à ce que tu regardais, et ça répond à ta question. Non, mais ça répond à ta question de toute manière. C'est que. Il semblerait qu'au fur et à mesure de votre progression, en allant dans ce quartier où les bâtiments changent un peu, hein, je vous rappelle que vous étiez dans un quartier un peu qui servait un peu de quartier communautaire pour des communautés hispaniques, cubaines et ce genre de choses, des trucs un peu résidentiels, etc. Là, on est dans des lieux un peu moins résidentiels, il y a un hôpital, quoi, donc c'est quand même un peu plus... c'est plus développé autour. Et donc, en passant de bâtiment en bâtiment, peu à peu, vous vous êtes élevé en termes de hauteur. Et là, vous êtes quand même à des hauteurs... Vous n'êtes pas sur des gratte-ciels ou quoi que ce soit, hein, mais vous êtes sur des 5 ou 6 étages, peut-être, les plus petits, 4 étages. Donc, il est compliqué de voir s'il y a des véhicules utilisables ou non parmi ce qu'il y a à voir. Il faudrait se rapprocher un peu, il faudrait descendre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, maintenant que vous êtes assez proche de l'hôpital pour commencer à penser à peut-être descendre, vous rapprocher ou quoi que ce soit, vous remarquez qu'en effet, il y a assez peu de bâtiments qui ont l'air d'avoir des échelles utilisables ou des espèces d'escaliers en ferraille sur les côtés ou quoi que ce soit. Ils se font un peu rares. En général, c'est les vieux bâtiments aux États-Unis qui ont des escaliers de secours. Ouais. Là, par rapport à notre point de chute, enfin le point d'arrivée, on en est encore loin ou on peut dire qu'on est quasiment arrivé? Vous êtes quasiment arrivé. Là, vous avez à... On va dire que... Si en termes de distance, il y avait deux on va dire qu'il y a deux bâtiments entre vous et la place de l'hôpital. D'accord. Donc on peut déjà peut-être imaginer peut-être que quelqu'un d'entre nous puisse descendre, faire du repérage et que les autres restent en sécurité dans les hauteurs en attendant que peut-être un véhicule s'approche de nous. C'est imaginable. Bah du coup, moi, je me retourne vers les autres. Je vais écouter, si vous voulez, vu qu'on ne sait pas combien de temps ils vont mettre les autres pour arriver, je me propose de peut-être, vu qu'on est quasiment arrivé, de descendre au niveau du sol et de peut-être faire un peu de repérage, regarder s'il y a peut-être, il y aurait peut-être pas un véhicule qu'on puisse utiliser par la suite ou quelque chose d'intéressant. Vous en pensez quoi? Moi, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un veut se joindre à moi ou je vais seul? J'y vais seul. Je regarde Cinda pour voir si ça l'intéresse, qu'on y aille. Moi, je veux bien y aller. Ouais. Tu penses que ça va aller, Dwayne, avec ta jambe? Ouais, ouais. On va peut-être pas y aller à 10 minutes. Parfait. Ok. Ça marche. Du coup, je regarde les filles. Les deux, vous venez? Du coup, je pense pas. Moi, Xinda insiste, mais personnellement, vu que du coup, il y a déjà toi, Ed et Dwayne qui y allaient, je pense qu'il faut peut-être pas y aller à tous non plus. Du coup, ça perd peut-être. C'est ça. Moi, j'avoue que ça me plaît mieux que vous restiez comme ça. Vous pourrez rester avec la petite. Je suis pas trop confiance en les frères Place, donc je préfère que vous restiez avec elle, perso. Bah du coup, je regarde Dwayne et puis on y va. J'ai ma batte. Je regarde Cali, je fais tu restes avec les filles. Hein, tu les écoutes si jamais il se passe quoi que ce soit. Tu peux avoir confiance en elles. Elles seront s'occuper de toi, mais t'inquiète pas, de toute façon, je vais revenir. Tu vois qu'elle te regarde avec des grands yeux, tu vois qu'elle a l'impression que c'est des adieux, vu comment tu le fais. Mais elle fait un d'accord. Ok. Moi, je regarde Cinda et Ashley. Voilà. Bon, bah, allez, c'est parti, le vieux. Très bien. Du coup, Ed et Dwayne, donc vous essayez de du coup vous chercher un peu sur les toits aux alentours, voir si vous pouvez trouver un moyen de descendre. Vous allez trouver les fameux petits escaliers en ferraille autour d'un bâtiment qui a l'air un peu plus ancien que les autres. Petit escalier qui a donc l'air de descendre jusqu'en bas. Problème, il a l'air quand même un peu branlant. Un peu fatigué. Ouais. Ouais. De toute façon, faudra bien qu'on descende. Après, on peut toujours essayer de descendre par le bâtiment lui-même. J'imagine que par le toit, il y a moyen d'accéder à l'intérieur du bâtiment, parce qu'il y aura des trappes d'aération, des trucs comme ça qui permettent de rentrer à l'intérieur. Mais après, on s'expose peut-être à avoir des rôdeurs à l'intérieur. Et ça peut vite. Enfin, on sait pas à quoi s'attendre, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Dwayne? On fait quoi? Je sais pas s'il y a moyen d'avoir un quelconque angle de vue à travers des fenêtres pour voir si ça a l'air occupé ou pas. Alors, depuis les toits, ça va être compliqué. Oui. Mais si vous aventurez ne serait-ce qu'un peu sur l'escalier branlant, vous pouvez avoir des vues sur les petites fenêtres qui entourent l'escalier à l'intérieur du bâtiment. Pas descendre tout entièrement, mais juste aller au moins à l'étage en dessous pour voir. Bah, on pourrait essayer. Ouais. Ouais, on peut essayer de faire ça dans un premier temps. J'ai un peu peur que l'escalier ne soit pas assez solide et qu'on finisse par tomber, et là, c'est la mort. Mais du coup, on peut descendre juste de un étage, on va dire, sur la partie un peu plus solide de l'escalier. Et après, on regarde à l'intérieur si on voit quelque chose de louche. Il est quelle heure là? On est quand dans la journée à peu près là? Bonne question. Alors, la dernière fois, il me semble qu'on devait être en début d'après-midi dans la session précédente, un truc comme ça. Donc là, on doit être quelque part en fin d'après-midi. Il se peut que le soleil commence à devenir orangé dans quelques temps. Ah ouais, c'est pas cool quoi. Ouais, donc faut qu'on se manie. Ok, bah. Je vais essayer de rentrer le plus discrètement possible à l'intérieur et d'écouter un maximum, voir si j'entends pas quelque chose ou qui pourrait s'apparenter à des rôdeurs. Et puis, s'il n'y a rien, bah, on essaiera de te descendre. Par les escaliers du bâtiment et pas par les échelles de extérieur. Ok. Donc toi tu veux rentrer dans le bâtiment pour vérifier. Dwayne, est-ce que tu es parti dans l'idée de le suivre à l'intérieur du bâtiment Oui, moi je le suis complètement. Ok. Même si bon je Très bon bien. après je pense pas que l'escalier va céder non plus. Il est branlant. Donc on sait pas. Bon, en tout cas, vous vous sécurisez l'un l'autre. Donc vous descendez juste d'un étage dans l'escalier branlant qui ne manque pas de grincer et de tanguer un peu à certains moments. Vous sentez qu'il manque des vis à certains endroits, ou en tout cas que les vis ne sont plus bien plantées dans le mur. Et donc en descendant juste d'un étage pour vous retrouver au dernier étage du bâtiment, en termes de hauteur, vous arrivez devant une espèce de fenêtre à laquelle vous essayez de regarder au travers. A priori, à l'intérieur, il fait nuit noire. Donc vous avez juste la lumière extérieure et votre agencement au niveau des bâtiments n'aide pas trop à avoir une lumière éclatante qui va vers l'intérieur. Mais vous n'avez pas l'air de voir grand-chose. Vous pouvez l'ouvrir si vous voulez et rentrer. Du coup, je regarde Dwayne, je fais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente le coup? Au risque de se retrouver dans cette cage d'escalier sans lumière et de pas voir grand-chose? Ou alors on rebrousse chemin et on littéralement on passe la nuit sur le toit parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Moi, je dis qu'il faut quand même tenter le coup. Bon, je suppose qu'on Ah, a. Est-ce que. oui. Est-ce que. Est-ce qu'on a pris des lampes torches, quelque chose avec nous que. On avait rien, hein. Ouais, on n'a rien pris. Hein. Et vous êtes parti de manière très très pressée et vous avez Ah. dit justement au chargeur de prendre tout ce qu'il pouvait. Donc. Ouais, c'est vrai qu'on a. Sans ce coup-là, on a vraiment. Même pas ma caisse. Rien. Je regarde dans mon. T'as un briquet, Non, toi? non. Alors, j'ai un sac à dos, alors je sais pas si qu'est-ce que j'ai dans mon. Est-ce que je peux avoir un jet de chance et que dans mon sac à dos il y a quelque chose? Alors, voyons voir ça. Je Alors, négocie avec l'affiche. le FJ. Alors, on va dire, fais-moi un petit jet de chance. Cependant, je garde quand même mes secrets sur si ça marche ou pas, peu importe le résultat par rapport à Ouais, ton. non, mais après, il faut Il y a des tenter, malus hein. et des bonus Non, hein, mais de qui toute se façon, jouent. t'inquiète pas, tu pourras garder tes secrets. J'ai fait 66 en moyen. Ouais, bon, ça, du coup, ça Donc, joue. tu pourras garder tes secrets, tout va bien. Tu trouves un jeu de cartes. Merde. Ça va pas me servir à grand-chose. Bah écoute, on va y aller alors. On va y aller. Même si je suis pas super, super rassuré, mais on va y aller. Au pire, dès qu'on entend. Non, genre, il y a. Vas-y, pardon. Non, non, non, non, je dis, bon, bah, de toute façon, on verra bien ce qui advient. Voilà. au moindre bruit, on va y aller doucement. Au moindre bruit, grognement, quoi. On saute par là, enfin, on rebond chemin en courant et on saute par ah, là. Ah, d'accord. Mais bon, bref, tu me comprends. Ça marche, ça marche. Très bien. Du coup, donc, vous soulevez la fenêtre. Vous ouvrez, de l'intérieur sort une odeur de renfermé. A priori, cette fenêtre n'a pas été ouverte depuis les événements apocalyptiques qui ont touché les États-Unis au moins. Et vous jetez des petits coups d'œil à l'intérieur, vous passez la tête, vous regardez à gauche, à droite, au plafond, en bas. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose et la fenêtre que vous voyez n'est pas la fenêtre a priori d'une cage d'escalier, mais bel et bien d'une pièce. Tout entière, a priori, ça a l'air d'être des bureaux. D'accord. Bah, je vais essayer de voir si je trouve pas une lampe. Les bureaux. Et bien, du coup, vous vous engouffrez entièrement à l'intérieur, passant par la fenêtre, Dwayne faisant autant mieux pour te contorsionner par la fenêtre. Hein. Je rappelle que tu as une jambe assez problématique, que tu t'es cassé la gueule il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tu y passes, donc ce n'est pas non plus un handicap, hein, enfin, pas dans cette situation immédiate. Et tu vous as rentré à l'intérieur. Ed, tu cherches une lampe, et tu trouves des lampes de bureau, ça c'est sûr, mais elles ont besoin de l'électricité, ce qui n'existe plus. C'est ça. Alors attendez, moi je sais par contre où chercher, est-ce que je pourrais... Parce que, évidemment, bon, est-ce qu'il y aurait par hasard un compteur électrique, enfin, on pourrait trouver un compteur électrique. Il est d'usage toujours de mettre. Bon, en général, c'est rare d'avoir des compteurs électriques à tous les étages. Mais... Il est d'usage de mettre. Il faudrait chercher. Le compteur électrique, 4 pattes d'électricité. Je vais vous demander à tous les deux un jet d'attention, voir si vous pouvez trouver ce dont parle notre cher Dwayne. Ah, alors là, c'est quand même beaucoup mieux. Puisque j'ai fait 9 en moyen. Moi, j'ai fait 32 et j'ai très bon en intention. Ok. Alors, vous regardez un peu autour de vous, vous regardez dans la pièce, vous essayez de fouiller un peu, et a priori, en tout cas, dans vos alentours immédiats, il n'y a pas l'air d'avoir ces fameux compteurs qui pourraient vous être utiles. Cependant, en cherchant un peu, vous trouvez que tout de même, d'abord ça vous inquiète, parce que vous commencez à sentir une petite odeur de moisi, quelque chose vraiment de qui ne vous rassurerait pas vu la dernière fois que vous avez senti une odeur de moisi cette même journée-là. Mais vous arrivez rapidement, très rapidement, à vous rassurer parce que vous tombez immédiatement entre deux bureaux sur un espèce d'agencement qui a été fait. Sur la qui est comme une espèce de feu de bois qui avait été installé, qui avait été allumé à l'intérieur même du bâtiment, et sur lequel il y a de la nourriture qui avait sûrement été mise à chauffer, mais a priori, la personne qui avait fait ça n'est jamais revenue ni éteindre le feu, ni récupérer que ce soit, parce que vous avez juste une espèce d'amas de viande carbonisée et pourrie. Sûrement l'origine de cette odeur. Ok. Ça est bien sûr accompagné d'un sac de couchage et ce genre de choses, mais vide. Donc il n'y a pas d'affaires à côté qui irait avec, il y a juste le sac. Ouais, donc on sait qu'il y a des gens qui ont squatté ici, donc il faudra d'autant plus faire attention. On ne sait jamais si jamais ils venaient s'ils sont morts ici. Il ne faudrait pas qu'il nous tombe dessus. Quoi. Donc là, en gros, on est dans un bureau. Ouais, dans la pénombre. Dans la pénombre. Après, on n'a rien pour allumer le feu, j'imagine. Ou est-ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de briquet? Si tu n'avais pas de briquet, tu m'as dit, non? Non, il n'y avait pas de briquet. Moi, je ne sais pas faire de feu, hein, je suis désolé. En effet, est-ce que vous continuez votre progression dans la pénombre, voire un peu plus loin que cette pièce? voir sur quoi je vais tomber. De toute façon, après, on va pas avoir grand chose à faire d'autre, hein, honnêtement. Ouais, voilà, ça va être. Il va falloir. Vous pouvez toujours rebrousser chemin, mais c'est. Je vous demande, justement. Oui, oui. On va pas rebrousser chemin. Très bien. Donc, vous continuez à avancer, vous vous dirigez vers l'entrée de ce bureau, avec cette porte qui est entrouverte. Et vous posez la main sur la poignée, vous l'entrouvrez, ce qui dévoile à vous un couloir qui mène a priori à d'autres pièces, sûrement d'autres bureaux, ce genre de choses. Uh-huh. Toujours vraiment dans la pénombre, hein. Il y a assez peu de fenêtres dans ce couloir-là, encore moins que dans que dans la pièce d'où vous venez. Et pas un bruit, pas une odeur autre que celle que vous sentez déjà de la moisissure qui vient de votre bureau. Mm-hmm. Donc c'est déjà de bonne augure. Ouais. Donc voilà, une moisissure assez forte qui est répandue, qui a l'air de s'être répandue dans tout l'étage au moins, hein, quelque chose comme ça. Et ouais, dans la pénombre, et vous voyez juste d'autres portes, certaines entrouvertes, certaines entièrement ouvertes, certaines fermées, qui mènent ailleurs. Déjà, je vais partir du principe de regarder dans celle où c'est déjà ouvert, enfin grand ouvert. Ouais. Voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Ok. J'ai une question, est-ce que vous restez collé pour regarder les pièces, ou est-ce que juste vous... pas vraiment vous séparer, mais juste regarder une pièce chacun par ici, par là, ou est-ce que vous regardez tous les deux la même pièce à chaque fois? Je pense que le mieux, c'est de se dos à dos pour pouvoir avoir le moins d'angle mort possible. Ouais. Ok. C'est pas mal comme fonctionnement. Après, moi, regarder une pièce, c'est pas forcément rentrer dedans. Ouais. Évidemment. D'accord. Du coup, vous approchez des portes, vous regardez d'abord les ouvertes. A priori, là encore, c'est toujours des bureaux. C'est toujours dans la pénombre, donc vraiment pour les inspecter plus sérieusement, il faudrait rentrer. Mais à vue d'œil, en tout cas, depuis les entrées, vous ne voyez ni individu, ni objet qui attire votre attention, ni danger évident, quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que plus vous avancez dans le couloir, plus les portes sont fermées et plus, du coup, la lumière est rare. Je pourrais même dire que plus vous avancez, plus vous êtes dans le noir complet. Oh putain. Mais chez ces bâtiments où il n'y a pas de fenêtre. Quelle idée. Je vais me plaindre à l'architecte, moi. Est-ce que par hasard, on serait pas passé devant un moment ou un autre devant les petites plaques, les petites cartes qui donnent le plan d'évacuation? Vu que tu me poses la question, c'est toi qui veux me faire un jet de chance, s'il te plaît. Très bien. Il y a 15. Très bien. Que Et bien justement, à la caisse, dès le moment où tu dis je vais commencer à chercher pour ça, dès que tu commences à dire je vais chercher pour ça, tu regardes un peu aux alentours. Et justement, à côté de la dernière porte que tu viens d'entrouvrir pour regarder un peu ce qu'il y avait à l'intérieur ou que ce soit, tu remarques cette petite plaque et tu remarques que d'après l'indication qu'il y a, le bâtiment est construit vraiment de manière assez carrée. Et justement, au fond de votre couloir, vous aurez soit le choix de partir à gauche, soit de continuer tout droit dans une cage d'escalier qui va descendre à d'autres étages. Cependant, okay, il va falloir braver les ténèbres. Non, mal planté, je sais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, Ed. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que on tente le coup et on va jusqu'à la cage d'escalier, on descend totalement? Allez, moi je dis, on n'a rien d'autre à faire. C'est critique. Si on peut trouver quoi que ce soit qui permette de remonter le moral à tout le monde, après ce qu'on... Ok, dit, ça marche. Là, je pense qu'il faut qu'on ait quelque chose. On est obligé de trouver un truc pour moi. Du coup, vous décidez de braver les ténèbres, vous prenez une grande respiration, un peu comme si vous appréciez à plonger. Et tandis que vous avancez dans les abysses, vous tâtonnez du pied, des mains sur les côtés. À des moments où vous vous touchez un peu pour vérifier si l'autre est toujours là. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez et que vous faites l'exploration, aussi à l'extérieur, la lumière commence à baisser. Qui n'aide absolument pas à vous voir. et vous avancez, et vous avancez, et je vais vous demander à tous les deux un jet de chance suivi d'un jet d'attention. Oh putain. 18 en chance. 94 en attention. Pas tout à voir. Alors moi j'ai fait 83 en chance, ça sachant que c'est bon, et 37 en attention, sachant que j'ai très bon. Ok. 37 tu me dis en attention. Ok. Et 94 en attention de l'autre côté, très bien. On se complète. Ouais. J'ai de la chance. Donc, pour ce l'autre se passe, et... c'est que du coup, vous continuez à avancer du mieux que vous pouvez, en tâtonnant, toujours incertain. Et tandis que toi, Ed, tu continues à avancer sans toucher quoi que ce soit. Dwayne, tu tapes du bout du pied dans quelque chose. Et c'est... c'est vraiment très éphémère dans quoi tu tapes, parce que dès que tu tapes dessus, ça s'est dérobé à toi. Et tu ne sais pas si c'est quelqu'un, quelque chose de plus ou moins vivant, ou du papier, simplement un tas de papier peut-être qui s'est défait au coup de papier, au coup de pied ou quoi que ce soit. Mais tu viens de taper dans quelque chose. Je vais reculer. Possible. Tu vas reculer. Tu vas simplement reculer, tandis que toi, Ed, alors tu as 94 en attention, c'est ça, très bien. Ouais. Ed, du coup, tu continues à avancer, tu tâtonnes, et malheureusement, tu ne te rends pas spécialement compte qu'a priori, ton compagnon qui avançait à tes côtés a un peu brisé la formation et a commencé à reculer au moins d'un pas. Toi, tu continues ta progression. D'accord. Tandis que toi, Dwayne, tu continues. T'as fait ton pas en arrière et tu remarques que de ton pied gauche, en reculant, tu tapes dans autre chose. À l'arrière, derrière toi. Ed. Quoi ? J'ai marché dans quelque chose. T'es où ? Je te... T'es où maintenant, là ? Parce que t'as bougé, je t'ai plus à côté de moi. Je sais. Merde. Ça bouge ? C'est quoi ce bruit ? Ok, je continue. J'essaie de reculer dans une autre direction. Très bien. Du coup, tu commences... T'essayes de reculer de tout. Décalé pour te tourner dans un autre sens et tu te retrouves, tu n'arrives même plus à te retrouver vraiment physiquement. Le coup de panique, tu te jettes dans un sens et tu t'adosses contre un mur a priori. Alors quel mur, dans quelle direction, dans quel sens, c'est comme tu veux. Mais tu t'adosses à un mur tandis que toi, Ed, tu te recules en entendant derrière toi du coup la voix de Dwayne. De Dwayne. De Dwayne, tu te recules, tu te retournes, et tu n'entends pas seulement ça, mais tu entends aussi d'autres grognements, d'autres lamentations a priori autour de vous. Quelque chose se mouvoit dans les ténèbres. Putain de... Merde. Alors, est-ce que... Est-ce que dans l'espace, du fait que j'ai pas forcément eu la panique qu'a eu Dwayne, est-ce que moi dans l'espace, j'arrive quand même à me situer ? Est-ce que j'ai encore mes repères ou pas du tout ? Alors tu arrives encore à te situer en effet, toi, pour ta part. Cependant, tu as quand même fait 94 au dernier jet d'attention. Oui. C'est pas non plus rien. Tu peux te repérer, mais tu n'as aucune idée, vraiment aucune idée de là où est Ed ou de où que puisse être la chose, enfin le bruit. Hein, qui soit. Ok, donc ce que je vais faire, c'est essayer de revenir sur mes pas mais avec quand même la batte, parce que j'imagine bien que la chose est au sol, a priori, puisqu'il a tapé. Donc avoir la batte quand même en bas, plutôt qu'en haut, et de faire des grandes enjambées, en fait, tu sais, c'était de lever bien les genoux. Pour me déplacer et essayer de revenir sur mes pas et de continuer en gros de parler à Dwayne pour essayer peut-être d'arriver à localiser en fonction de là où il est dans l'espace, parce que c'est la seule chose qui va me permettre de savoir où il est par rapport à moi, en fait. D'accord. Du coup, tu fais tout ça, tu te retournes avec du coup ton arme maintenant et tu essaye du coup de parler à Dwayne, je te laisse parler. Dwayne! T'es où? Bon, continue à parler, il faut que j'essaye de. Je vais retourner sur mes pas. Attends, j'essaie de me diriger vers toi. Oui. Non mais. Est-ce que j'arrive à le situer fonction de là où il me parle? T'arrives. En effet, tu arrives à le situer un peu, je vais te demander un jet d'attention, tandis que toi, Dwayne, si j'ai bien compris, tu veux t'avancer dans la direction dans laquelle t'entends la voix. Oui. Et donc, tu t'avances. Putain, j'ai fait 14, oh my god. Dans la direction, et entendant un peu la main devant toi pour essayer d'agripper Ed, pour essayer de le toucher du bout des doigts, pour vérifier où il est. Tu as fait combien, Ed? 14 moyens. 14 moyens, ok. Du coup, soudainement, Ed, tu sais où il est maintenant à présent. Tu vois même, grâce au contre-jour du fond du couloir, du coup, dans le sens inverse où il y a encore un peu de lumière, ouais. Tu commences à voir la silhouette. Et tu remarques que cette silhouette que Dwayne vient de toucher du bout des doigts n'est pas la tienne. Moi. Oh putain, et alors il est où en fait par rapport à le fait que moi je suis en train de reculer? Enfin le fait que je veux retourner vers l'escalier, il est où entre moi et... Alors il fait pas barrière entre toi et Dwayne, il est plus sur la gauche de Dwayne. Mais est-ce que Dwayne en fait sans s'en rendre compte était en train de rebrousser chemin? Où il se dirigeait plus vers l'escalier de... Il était en train de se diriger plus en profondeur dans les ténèbres, donc vers toi. Oh putain. Et là, je dis, Dwayne, c'est pas moi. C'est pas moi là que tu vas toucher. C'est pas moi. Quoi? Dwayne, alors que tu entends ça, alors que tu dis quoi, alors que tu étais sûr que c'était Ed que tu touchais, ton toucher est rendu par une main qui te saisit au bras. Putain de merde, Dwayne. Il va être temps d'agir, parce que si vous ne faites pas quelque chose rapidement, ça va vite mal se passer. J'avais 5 secondes. Ok. J'essaie de me dégager. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît, Dwayne. Et on va passer sur une musique un peu plus... Punchy. La distance entre eux et moi, c'est combien, à peu près? Bon, si tu commences à me demander des mètres de distance aussi, tu vas... Mais non, mais est-ce que j'ai la longe en gros, si je dois agir, parce que là, je suis aveugle un peu, mais... En te propulsant un peu vers l'avant, tu as peut-être moyen de donner un coup, en effet. D'accord. Mais il va falloir vraiment faire un pas, tu vois, un pas de... pour ce jeu. Ouais. Dwayne, qu'est-ce que tu nous as fait en force? J'ai fait 24, c'est moyen. 24 moyens, d'accord. Du coup, tu tires d'un grand coup et tu vois que t'arrives à faire lâcher la chose. Enfin, la faire lâcher, c'est un grand mot, parce qu'en réalité, la prise est toujours sur toi, mais la prise n'est plus reliée à un bras. Donc tu retires et tu commences à reculer. Et tu commences à sentir en effet que d'autres mains se saisissent de toi à tes jambes. Oh punaise. Et j'essaie de me débattre. Est-ce que... De reculer. Refais-moi un jet de force, s'il te plaît. Et Ed. Est-ce que j'ai moyen... Alors, est-ce que je le devine un petit peu devant moi quand même ou pas du tout? Alors tu le devines, oui, plus ou moins. Ouais, donc si je venais moi à essayer de la gripper lui et de tirer fort pour faire venir dans ma direction, ce serait faisable. Ce serait faisable. Ça pourrait être fait, ça pourrait être tenté. Ok, bah je vais essayer. En fait, moi j'ai pas conscience qu'on est en train de l'attraper au sol. Hein. Ouais. Donc je vais quand même essayer de le choper genre au col, tu sais, et de le tirer ouais. vers moi de toutes mes forces. Pour en gros, après le tracter et de me diriger vers de là où on vient, vers la lumière. Quoi. Ok, très bien. Du coup, je vais te demander. Je vais te demander un petit jet, mais toi aussi de force, du coup. Tandis que toi, du coup, Dwayne, tu as fait combien ? J'ai fait 11. Ok. Et je suis... Très bien. Attends. 0 et 3, ça fait 3. C'est un 3. Un 11 et un 3, c'est quand même pas mal, tout ça. Donc, Dwayne, tu te... T'es en train de donner des grands coups de pied pour te libérer de la... des emprises qui sont à tes jambes, tandis que tu te fais saisir au col par quelque chose, et tu te fais tirer dans la direction de ce quelque chose plus profondément dans les ténèbres. Et avec le mouvement de toi-même, Kislach, en réalité. Donc tu te mets à hurler, tandis que vous vous entraînez tous les deux, parce qu'en effet, dans le mouvement, du fait que Dwayne lui-même se libérait et donnait des coups. Et toi qui le tire, en réalité, vous vous entraînez un peu tous les deux, pour ainsi dire. Ah d'accord, ouais. Donc vous reculez un peu plus dans les ténèbres, vous tombez pas, hein, c'est pas un échec. C'est-à-dire ouais. que vous reculez un peu dans les ténèbres en vous éloignant de là où il semble y avoir des choses. Ouais. Et vous êtes à présent un peu plus libre de mouvement. Cependant, au hurlement répond maintenant bien plus que quelques grognements, mais des lamentations claires et précises à la fois devant vous, que vous aviez déjà vu, mais aussi derrière vous. Plus au fond dans le couloir. Alors attends, parce que là j'essaie de me situer. Moi j'étais parti pour revenir sur nos pas. Donc et moi je le tirais pour revenir sur nos pas. Donc là en gros, si je continue mon mouvement, on revient à l'escalier qui est branlant. La fenêtre et on sort du truc, ok, c'est ça. Hein. Alors il y a moyen, mais c'est pas immédiat parce que vous avez quand même checké plusieurs portes, mais oui. Oui, oui, non, mais c'est en fait c'est le mouvement que je veux faire. Il y a moyen, oui. Ed. Maintenant, je dis, Dwayne, tu me lâches pas. Théo, tu me lâches, tu me lâches pas. On fonce. On fonce, okay. On ne réfléchit pas, okay. On fonce. Ok. Et donc, je le dis. Malheureusement, je suis désolé. Mais peut-être que vous n'auriez pas dû juste discuter. Peut-être que tu aurais dû juste l'entraîner pour courir sans lui parler. Mais ce qui se passe, c'est qu'en effet, Dwayne, tu es de nouveau saisi aux jambes. Tandis que, hey, toi, tu sens quelque chose aussi qui est en train de, pas de te saisir, mais qui est en train de se frotter contre toi. Et Dwayne, tu ne sens pas seulement qu'on te saisit, tu sens une douleur qui commence à se lancer dans ta jambe. J'essaie de me dégager. Alors moi, ce que je sens arriver dans mon dos... Faites-moi tous les deux des jets de force. Je balance, hein. 61, très bon. Ok, 51, et alors toi ça te fait du ok, et toi Ed c'est 50, c'est combien toi Ed? 61, très bon. Ok, donc toi Ed du coup tu donnes un grand coup pour éloigner la chose qui est en train de se frotter à toi, tu remarques qu'en donnant un grand coup de toute manière t'as l'impression que ta main s'enfonce dans une espèce de mélasse gélatineuse dégueulasse, t'entends même une espèce de déversement comme si les intestins de la chose se déversaient, t'avais ouvert une immense plaie dans la chose. Ouais. Mais tu l'envoies du coup se frapper contre un mur a priori. Tandis que toi, du coup, Dwayne, t'essayes de te libérer. Malheureusement, il semblerait que s'il y a plus que des mains à présent qui s'accrochent à toi, il y a quelque chose qui s'enfonce dans ta peau, dans ta chair directement, et tu n'arrives pas à te défaire de cette situation. Alors, Ed, en gros, moi je me rends compte malheureusement que au vu des cris que j'imagine Dwayne doit faire, parce que et c'est des cris de douleur, que c'est une question de vie ou de mort pour moi, et que moi je me dois de survivre pour la petite. Du coup, je décide avec contre-cœur, mais vraiment avec déchirement, de partir en courant. Malheureusement, je me casse. J'essaie non, de non. J'ai pas un mot quoi. J'ai pas un mot quoi. Je me barre. Du coup, tu lâches Dwayne et tu te mets à courir. Tandis que toi, Dwayne, la seule prise que t'avais encore sur toi, la seule prise parmi toutes celles qui te tenaient, qui te rassuraient encore un peu, tu la sens te lâcher. Et tu vois, avec le contre-jour du couloir vers les fenêtres et les bureaux, Ed qui se met à courir, tandis que tu sens d'autres douleurs qui se lancent sur le reste de tes jambes. Tu commences à voir des silhouettes recouvrir même toute ta vue. Non, madame! Et ce sont donc, a priori, les derniers hurlements de Dwayne que vous entendez. Est-ce que eux ils entendent là-haut des cris? Vous entendez sûrement en effet quelques hurlements, pas aussi puissants que si c'était à côté, mais vous en entendez sûrement. Alors juste moi j'aimerais juste dire que la dernière chose qu'on entend de moi c'est je dois sauver Judy. C'est génial. Et du coup, Ed, tu retrouves, tu te jettes dans les escaliers branlants et tu te jettes sur le toit. Et je pense que nous allons laisser la session d'aujourd'hui ici, avec donc le suspense de est-ce que Alexios va se faire manger par Francis, qu'est-ce qui va se passer sur le toit après cette situation, nous le verrons. Au prochain épisode.